Fun Radio, bonne soirée, le Before Party Fun. C'est Adrien Thomas, c'était JB, encore une énorme émission ce soir. On vous a fait découvrir le nouveau DJ Snake qui s'appelle Talk. On vous a fait découvrir Vaiston, on vous a fait découvrir The Parakeet, Don Diablo. Bref, c'était une énorme émission. Je vous retrouve moi ce soir minuit, JB, pour Party Fun by DJ Mac France. Et on recevra Moti en DJ set. Si vous le connaissez pas, c'est vachement bien. Soyez là tout à l'heure à minuit. Et moi demain à 18h, la superstar Zara Larsson. Kael. Oh putain. Zara Larsson. Oh putain. Le doc, oh, j'ai Zara vu Larsson. Ça. On a reçu un mail et tout de notre direction qui nous dit demain JB Zara Larsson. Et alors je vous invite à aller voir le compte Instagram de Zara Larsson. Elle a mis une photo d'elle. Aujourd'hui elle est à Paris. Elle a fait une photo je crois devant la Tour Eiffel. Oh là là les gars. Ah, tu sais quoi? Ton objectif demain c'est d'avoir ta gueule sur son Instagram. Ah, j'aimerais bien avoir ma gueule. On en reparlera demain à 20h. D'accord, ok, ça marche. Ok. Allez, c'est ton défi, mon pote. C'est parti. Salut les gars. Fun Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Fun Radio. Et en pleine forme pour attaquer une nouvelle soirée avec vous tous, vous toutes. J'espère que tout va bien, que vous avez passé une bonne journée. On est très content d'être avec vous comme chaque soir sur Fun Radio du dimanche au jeudi. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler avec toute l'équipe qui est là au grand complet. Ouais. Et quelle Salut. Belle équipe. Bonsoir Doc. Salut à toutes et à tous. Salut Doc. Je t'ai vu galérer, tu essaies de télécharger quoi là? Skype. Putain Doc, demande-moi. Sur la tablette. Mais non, j'ai essayé de télécharger. Sur la tablette. Ouais, ça y est, c'est bon. Bon, et vous êtes un pro de l'informatique. Ah mais ça y est, c'est fait, c'est fait. Ah ça y est, c'est fait. Ouais. Eh ben voilà, putain, je te voyais t'énerver et tout. Tiens, ça marche pas ce truc. Sans déconner, comment ça va Kassim? Ça va très bien. T'as bossé? Bah non, parce que cet après-midi j'étais. Attends, j'étais en voiture avec Alice. Oula. Et ouais, j'ai une excuse, j'ai eu peur. On en parlera, les aventures d'Alice. Ça va, t'es pas mort? Bah, on a failli renverser une vieille. Ah, tu sais, moi j'ai trouvé un truc pour me décommander au dernier moment. Ah, je te le dis tout de suite, j'avais trop peur. Ça va, Alice? Bah, ça va, mais moi je ne suis pas de mauvaise foi parce que j'étais bel et bien en voiture, mais ça m'a pas empêché de bosser. Hein. Donc, bravo, je Alice. Pas. Je comprends pas, Kassim. Donc ce soir, on va parler des gens qui recouchent avec leur ex dans le chiffre. D'accord, ouais. On parlera de ça, on parlera donc de toi qui passe aussi ton permis de conduire. Exactement. Et puis surtout, aussi. Vous tous qui allez débarquer là sur l'antenne pour venir nous raconter ce qui vous arrive là dans votre vie. Vous savez qu'ici vous pouvez tout dire, hein, tout lâcher, demander des conseils. On est là chaque soir pour vous tous, vous toutes. 01 42 48 5000. Et d'ailleurs, on va attaquer l'émission avec Alex. T'es là, Alex? Oui, salut Karel, salut Doc. Salut, salut Alex. Salut. T'as 19 ans et tu nous appelles de Grenoble. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais, bah, je vous appelle ce soir en fait, c'est parce que tu vois, genre, je suis au lycée. Et j'ai une meuf en fait qui me plaît, et bah une meuf en fait, elle s'appelle Inès. Oui. Et elle me plaît genre pas mal, et tu vois, je l'ai invitée au cinéma samedi pour aller voir X-Men. Mmh. Et sauf que le problème c'est que tu vois, la genre, elle a pas dû comprendre que je voulais la pécho, et elle a invité son frère aussi avec nous, son petit frère. Oh, c'est pas grave ça. Il a quel âge, le petit frère? Son petit frère, il a 16 ans. Ah oui. Il est en troisième, il a 16 ans. D'accord. Et du coup, tu vois, genre, bah, je le connais via l'intermédiaire de ma sœur qui est dans sa classe. Et en fait, tu vois, ça me dérange un peu qu'il soit là. Et je voulais l'appeler ce soir pour essayer de négocier qu'il aille voir un autre film, tu vois. Ouais, il va falloir que t'achètes du popcorn pour les deux. Ah, c'est bon ça. Ouais, t'as raison. Non, mais il faut que tu l'achètes, le petit frère là. On va l'appeler tout de suite, d'accord? Ok. On va voir s'il y a moyen de moyenner. Justement, on y va. On appelle le petit frère. Il s'appelle Quentin. C'est ça, hein? Oui, c'est mais ça. Elle, okay. Il va tout dire à sa sœur. Hein. Mais non, on va l'acheter, on va lui filer des cadeaux. Un sextoy. Allô? Allô, Quentin? Ouais, c'est qui? Oui, c'est le petit frère à Océane. Ah, ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Enfin, ouais. Je t'appelais ce soir parce que, bon, je vais pas te cacher que, bon, bah, tu sais, t'es au courant, on va aller voir X-Men ensemble avec ouais, ta sœur. Samedi, ouais. Voilà. Et, j'ai un petit souci. C'est que, bon, ta sœur, je la kiffe. Voilà. Et ouais, à la base, ouais. Je t'ai invité au cinéma pour essayer, tu vois, de la pécho un peu. Enfin, tu vois, quoi. Essayer de me la mettre dans la poche. Ouais. Et du coup, bon, comment dire? J'aimerais que, tu vois, tu partes un peu, tu vois, que tu ailles voir un autre film au lieu que ouais, tu viennes avec mais... nous. Ouais, mais tu vois, je voulais aller le voir en plus X-Men et tout. Et puis, mais... c'est bien une après-midi comme ça aussi. Ouais, non, mais non, mais tu vois, ça me gêne quand même que tu sois avec ta sœur et tout, parce que, enfin, je sais pas, t'avoir à côté alors que je vais essayer de la pécho, enfin, tu vois, à la limite. Ouais, mais à la limite, je change de rang, à la limite, je change de rang. Mais non, mais au pire, je te donne 10 euros, tu vois, je te donne 10 euros et puis tu vas regarder un autre film et puis voilà, quoi, ça te paye ta séance. Ouais, 10 euros, juste pour pas aller au cinéma, pour voir X-Men. Mais non, mais, enfin, je vais pas te donner plus non plus, tu vois, mais, enfin, vraiment, non, mais c'est, enfin, voilà, je te donne 10 euros, tu vas dans une autre salle et puis... Bah, au pire, tu me donnes 20 euros, tu me payes le cinéma avec un popcorn et j'invite un pote et tu payes aussi le cinéma et pourquoi pas, là, à la rigueur. 20 euros, le cinéma et le popcorn? Ouais. Putain, mais... Pff, t'es quand même... Mais putain, mais non, mais... Oh. Ah bah il est bon. Ah bah il est super bon le mec, sans déconner. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Salut Quentin. Alors je t'explique, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun, mon pote. Dans toute la France. Ah ouais, en plus l'affiche, ouais. Donc là, je dirais non, 30 euros. Là, ah ouais, 30 euros. Oui, augmentes le prix. Mais attends, il y a X-Men Apocalypse, le film Fun Radio, bien sûr, mais il y a aussi Warcraft qui est pas mal en ce moment au cinéma. Hein, ah oui, puis vrai, si tu le payes, tu pourras retourner voir X-Men. Exactement. Alors, alors au niveau du deal, qu'est-ce qu'on dit alors? Qu'est-ce que t'es prêt à accepter, Alex, là? Juste pour pécho, je vais accepter son offre, mais voilà. Quoi. Non, mais moi, j'ai quand même une question à poser à Quentin. Ah, vas-y. Pourquoi tu accompagnes ta sœur? Est-ce que ta sœur est venue te demander de l'accompagner? Ouais, ma sœur, elle m'a demandé, ouais. Ah, donc ça, c'est pas bon signe, en fait, Doc. Ouais, à mon avis, t'investis... Enfin bon, Alex... T'en penses quoi, Alice, toi? Genre, t'invites ton petit frère parce que t'as un rencard avec un mec, c'est bizarre, non? Bah, c'est pas forcément mauvais signe, c'est juste peut-être parce qu'elle le connaît pas encore des masses, qu'elle a pas super confiance peur en lui, et c'est ça, peut-être qu'elle préfère déjà cerner ses intentions avant de savoir ce qui va se passer. Ah ouais, Alex, fais attention, tu lui fais pas le coup du popcorn, hein. Surtout pas. Hein, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a une vidéo sur YouTube que vous pouvez aller mater. Ça existe, ça, le coup du popcorn, en fait. Hein. Genre, c'est, t'as ton popcorn, mais en fait, tu mets ton sexe dedans. Donc, quand la personne, elle veut se nourrir de popcorn, elle se nourrit aussi de ton sexe. Vous êtes dégueulasse. Attends, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça. C'est vidéo à mater, franchement, sur le YouTube de Love in Fun. Alex, ça a l'air bien parti, cette histoire. Ouais. T'as 30 euros, moi. Oui, bah ouais, j'ai ça. Et non seulement ça va te coûter un bras, mais en plus t'es pas sûr de pécho, mon pote. Hein? Imagine qu'elle te dise, bon bah finalement je viens pas. Ça me ferait vraiment chier, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est que lundi soir, on t'appellera, même dimanche, on peut le faire aussi, puisqu'on est en direct les dimanches. Dimanche soir, on t'appellera pour débriefer cette petite séance de cinéma, d'accord? Bah ok, pas de souci. Quentin? Oui? Sois sage. Ça m'a... Hein? Tu vas te gaver. Fou, il va y aller avec son pote au frais de la princesse. Salut les gars. Ouais. Salut. Ciao salut. Alex. Salut Quentin. Bye. Et Sarah. Bye. Sarah est avec nous, 15 ans de Poitiers. Bonsoir Sarah. Salut Karel. Salut Doc. Bon. Toi aussi, salut. Tu viens pour dealer un truc, Sarah? Non, je voulais savoir si c'était normal de ressentir, d'avoir une attirance pour une prof du même sexe que moi. Ah ouais. Carrément, ah ouais. Bien sûr, oui. Ah bah moi, j'ai déjà eu des sentiments pour des profs. Hein, sans... Oui, oui, bougez pas. On parle de tout ça après Imani, le tube de l'été, Don't Be So Shy. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. are so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Imani sur Fun Radio, Don't Be So Shy. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Et j'annonce, on écoutera tout à l'heure à 21h la nouvelle bombe de DJ Snake. Ultra Fat. Ça sort demain. Hein. Et vous l'avez découvert en exclu mondial tout à l'heure à 14h sur Fun Radio. Grosse exclu mondial, la nouvelle bombe de DJ Snake. Forcément, DJ Fun Radio, ça pouvait se passer qu'ici. Hein. Vous découvrirez le nouveau DJ Snake si vous ne l'avez pas encore entendu et vous l'entendez toutes les heures hein, sur Fun Radio. Il s'appelle Talk. En attendant, on va accueillir Sarah. T'es là, ma chérie? Salut, Sarah. Oui, je suis là. Salut, Sarah. T'as 15 ans, t'es de Poitiers, toi? Oui. Et alors, à Poitiers, t'es dans un bahut, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai une attirance pour une prof à moi, et normalement, je suis hétéro. Et là, c'est une prof du même sexe que moi, et du coup, je voulais savoir si c'était normal. Oui, bien sûr. T'es amoureuse ou c'est sexuel? T'as un désir sexuel ou tu es simplement, tu éprouves des sentiments pour elle? J'éprouve des sentiments, ouais. C'est qui cette prof? Elle a quel âge? Bah en fait, ça peut paraître un peu psychopathe parce que j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé des photos d'elle et tout. Elle a 34 ans et tout. Ouais. Bref, après. Non, mais éprouver des sentiments et pour un professeur, à la limite, ça n'a rien d'extraordinaire car il y a des professeurs qui effectivement marquent leurs élèves. Et d'ailleurs, comme cela, d'ailleurs, parfois leur donne envie d'apprendre. Faut pas du tout se choquer, ça éprouver des sentiments pour un professeur. Ça ne veut pas dire qu'on les exprime, ça ne veut pas dire qu'on vit une aventure sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on va l'embrasser sur la bouche, ça ne veut rien dire de tout cela. Non, mais elle aimerait bien, Doc. Je crois pas. Ah bah, t'aimerais pas l'embrasser? Ben, en fait, c'est bizarre, elle m'attire, mais en même temps, il y a quelque chose qui me repousse. Ben oui, la situation. C'est un prof, voilà. Et ta prof, elle est plus âgée que toi. Un peu plus, ouais, quand même, 15 ans, 34 ans. Éprouver des sentiments à ton âge pour des gens qui sont, voilà... d'être de l'admiration, en fait. Il y a plein de choses là-dedans, mais je t'assure que tu es normal, Sarah. Oui, d'accord. Mais en revanche, passer à l'acte, c'est peut-être pas souhaitable. Alors, ça peut arriver. Figure-toi que dans l'équipe, on a quelqu'un qui m'a déjà raconté cette histoire-là. C'est Cassim à tous les coups. C'est Cassim. Ouais. T'es déjà sorti avec une de tes profs. Ça a pas duré longtemps, je crois. Ouais, écoute ça. Ça a duré 2 semaines et en fait, la prof avait 28 ans. Moi, en fait, vu que j'ai redoublé plein de fois en terminale, j'avais 20 ans. Ouais. Alors du coup, il y avait que 8 ans d'écart. Elle était bonne, je l'ai chopée. Ça s'est fait vite fait, on l'a jamais dit. Mais ouais, on sortait ensemble. Ça a pas duré longtemps. Ça a duré 2 semaines parce que c'était délicat. Genre, c'était beaucoup pour toi, hein, 2 semaines. Oui, c'est vrai que c'était beaucoup. Ouais. Mais je faisais des petits clins d'œil en cours et tout. Elle m'a dit, non, vas-y, on arrête parce que sinon ça va être tendu et personne ne le savait. Putain, ouais. C'est ouf quand même de sortir avec sa prof, quoi. Sarah, exemple à ne pas prendre. Là, elle a 15 ans, quoi, c'est sûr. Voilà. Après, on peut éprouver voilà, des sentiments pour le même sexe, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal, surtout, Sarah, rassure-toi, ce n'est pas une anomalie. Est-ce que tu aimes les garçons aussi? Tu as dit que oui, mais est-ce que tu es amoureuse d'un garçon? Est-ce que tu étais amoureuse d'un garçon il y a peu? Oui, j'ai déjà... Eh bien, voilà. La vraie question, c'est est-ce que tu as des bonnes notes, hein, parce que bon... Ben, en sport, ça non, mais... va. Ah, c'est une prof de sport. Ouais, oui, bah oui. Oh putain, elle doit être gaulée. Oh là. Dis donc, bon, on va arrêter tu de donner des infos. Tu peux envoyer la photo pour que Karel puisse fantasmer? Non, pas du tout. Juste regarder, c'est pour s'informer, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais, oui. Tu raccroches pas, Sarah, et rassure-toi, tu es normale, d'accord? Voilà. D'accord. Ouais. On te fait des gros bisous, Sarah. Tu reviens quand tu veux, c'est ton émission. Salut. Salut, Sarah. Merci beaucoup d'avoir appelé. On sera avec Tom dans un instant. Le tu veux ou tu veux pas. Tom qui veut demander, en fait, à sa meilleure amie de lui pardonner. On ne sait pas quoi. On va le savoir dans un instant. Quel suspense. Moi, je reste. J'espère que vous aussi. Et puis, le chiffre d'Alice. Encore un chiffre exceptionnel ce soir. Vous allez entendre un truc de dingue. On va parler des personnes qui ont déjà recouché avec leur ex. Voilà. Ça, ça arrive. Ça, bah, ça arrive très souvent, d'ailleurs. Bien sûr. Ah, bah, ça arrive de ravaler son vomi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est vrai. Attends. Quand c'est fini, moi, je dis. Hein. On va écouter Rehab. Freak. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà recouché avec une ex, un ex? Est-ce que ça recommençait l'histoire ou est-ce que c'est encore la merde? 01 42 48 5000 à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port-Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Hey, hey. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire Kia. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Fun Radio présente Welcome to la première édition du Bal Electro, mercredi 22 juin. Au parc des expositions de Tarbes. Dès 21h, venez fêter la fin des examens avec les DJ Fun Radio, Maeva Carter. Salut, c'est Maeva Carter sur Fun Radio. Michael Canitro et Niels Van Zandt. La première édition du Bal Electro au Parc des Expositions de Tarbes. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funnight.fr. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout. Dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est samedi. Nero Giardini, la mode made in Italy. Nero Giardini, chaussures et habillements pour celles et ceux qui aiment le style italien. Venez vivre les 24 heures du Mans les 18 et 19 juin. La course d'endurance la plus mythique au monde. Des animations inédites et des concerts gratuits exceptionnels. Shekhsengo, Viavner et Julian Peretta. Infos et réservations sur 24h-lemans.com. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio tous les soirs, 20h, 22h. Défi, fallait pas demander dans un instant. Hein. N'oubliez pas, si vous voulez regagner votre tablette tactile, 01 42 48 5000. En attendant, on va écouter l'artiste que j'adore. Alice, c'est ton artiste préféré en ce moment. Oui, oui, c'est ça, oui. Amir, j'ai cherché sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Amir, j'ai cherché sur Fun Radio. Tu veux demander un truc, mais t'oses pas. Mais t'es un grand malade, toi. Tu veux ou tu veux pas, dans Love in Fun sur Fun Radio. Le tu veux ou tu veux pas, là maintenant ce soir avec Tom. Il a 14 ans, il est de Montrouge dans le 92. Salut Tom. Salut Dom, salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Tom. Salut. Bienvenue Tom, bienvenue dans Love in Fun. Tu nous appelles pourquoi toi alors? Eh ben c'était simplement pour demander pardon à mes meilleurs potes parce que depuis quelques mois elle m'a un peu laissé de côté et du coup voilà je comptais pour marquer un peu le coup lui demander pardon en direct chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Eh ben ça fait quasiment 2 ans qu'on se connaît et depuis un mois voire 2 quasiment elle traîne avec un autre gars et m'a un peu ignoré et elle a fait j'ai fait des crises de jalousie parce qu'ils traînaient avec lui, parce qu'ils sont très très tactiles, leur relation est très tactile, ils ont une relation de couple, alors qu'ils sont simples potes. Ouais. Et du coup, j'ai pété un câble et voilà. Donc, tu es très amoureux. Ah bah ouais! Parce que tu n'es pas Camille, tu es très amoureux, elle n'est pas sortie avec toi, mais toi, tu crèves d'amour pour elle. Oui. Ah mais ça change tout. Ouais. Ça change tout, Tom. Eh oui! En fait, faut que tu l'appelles pour lui dire que tu l'aimes, non? Honnêtement, c'est compliqué parce que. Tiens, qu'est-ce que t'as à perdre, hein? Au pire, elle te dit, ça change tout. Et puis, imagine que ça se passe pas bien avec le petit copain en question, là, hein? Ah, sur le débat, est-ce qu'on peut avoir une amitié entre un garçon et une fille, là, Tom? Là, c'est pas gagné, là, l'amitié, là. Mais en fait, t'as pris l'amitié parce que t'as pas osé faire autre chose. Là, en fait, elle m'a déjà foutu un râteau. Ah et, oui! Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop. Mais du coup, en fait, je suis son meilleur pote, on partage tout. Ah, d'accord. Ok, Tom. Ouais. À la louche, Tom, tu seras que son meilleur pote. Je sais pas ce que t'en penses, Alice, mais. Si elle a déjà refusé une fois, à mon avis, c'est un peu chaud. Hein. Ouais. On sait jamais. Franchement, on sait jamais. Demain, ça se trouve, elle va se trouver une copine. Elle va se réveiller. Elle va se dire, oh, finalement, je suis passé à côté de quelque chose. Hein. On sait pas. Enfin, tu veux ou tu veux pas me pardonner, c'est pas ça la question. Hein. Tu veux ou tu veux pas m'aimer. Voilà. Hein, faire un mot. D'accord. Hein. Voilà, déjà, qu'elle lui pardonne. Ouais. Pratiquer des relations sexuelles régulièrement. Alors, c'était quoi péter un câble? Parce que. J'ai failli me battre avec le gars, quoi. Ah, tu as cassé la gueule du tout. D'accord. Pas nerveux du tout en plus, Tom. Hein. À la base, je suis pas nerveux. Enfin, c'est juste. Il a commencé à m'insulter sur Kate, et du coup, je l'ai bloqué. Le lendemain, je fais vas-y, on va parler. Je fais non, j'ai rien à dire, on aurait pu se parler hier. Voilà. Donc, du coup, après, il a commencé à me chercher et j'ai gardé mon calme et heureusement, il s'est rien passé. On l'appelle. Elle s'appelle Ambre. Il était peut-être plus fort que toi, non? Hein. Ouais. Donc, tu gardais ton calme, c'était plus prudent. Allez, bon courage. Merci. On y va, Tom. Allô? Allô, Ambre? Oui. Ouais, je te dérange pas? Non, t'inquiète, ça va. Ok. Je t'avais déjà prévu que je m'en voulais parce que ces derniers temps il y a eu des histoires, etc. Et voilà, donc je voudrais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, parce que je sais que ça t'a fait beaucoup de mal, que tu l'as mal pris, et que voilà, même encore aujourd'hui, tu vois, c'était très compliqué pour moi, et je savais pas trop me gérer. Et voilà, franchement, je voulais m'excuser, et j'espère que tu vas accepter mes excuses, quoi. Mais t'en fais pas, moi, de toute façon, j'ai fait de la merde et tout, donc franchement... C'était un peu tout pour moi, donc je voulais vraiment... tu me pardonnes et qu'on passe à autre chose, quoi. Mm-hmm. T'en penses quoi de notre relation? Enfin, tu penses que voilà, enfin. Mais moi, tu sais, t'es mon meilleur pote et enfin voilà quoi. Personne ne prendra jamais ta place, surtout pas voilà quoi. Enfin, tu le sais et pourtant bah tu doutes. Je sais que t'as plus trop confiance en moi et tout, mais franchement voilà quoi. Bonsoir Ambre. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Karel. T'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Oh mon dieu! Mon dieu! Ah oui, je fais cet effet-là aux femmes, c'est vrai ça. Je te présente Doc, il est là aussi. Salut! Bonjour! Oh. C'est un médecin pour femmes. Tu vas bien, hein? Oui, je vous écoute parfois. Ah bah voilà, t'es en direct, et Alice aussi. Et Tom nous a appelé pour nous raconter quelque chose. Votre histoire d'amitié. Oui. Qui n'est pas vraiment une histoire d'amitié pour Tom. Parce que Tom, il a quand même des sentiments pour toi, t'as compris ça ou pas? Oui. Mais pas toi? Bah. Pas vraiment, enfin pour moi c'est mon meilleur ami quoi, donc ouais, mais c'est ambigu, enfin vous descendez mes propos là, c'est non, il faut être cash Tom, à un moment donné c'est cash là, tu nous as dit que tu crevais d'amour pour elle il y a deux minutes qu'est-ce que t'en penses hein, parce que ça il nous l'a vraiment dit, il est vraiment dingue amoureux de toi, voilà. Non, c'est pas sérieux. Je sais pas, mais enfin, oh mon dieu. Non mais faut être cash. Oh, si ça te convient pas, tu lui dis comme ça, au moins il comprend. Mais il sait très bien que moi je le vois comme un pote, donc voilà quoi. Bon, okay. Voilà, c'est clair. Et est-ce que Tom, tu pourrais te satisfaire d'une amitié avec Ambre, en fait? C'est ça aussi la question, quoi. Parce que c'est dur hein, pour quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, d'être juste pote. Ah oui, bien sûr, c'est une meilleure pote, il l'accepterait. C'est compliqué parce qu'on va toujours dans la SFM, mais bien sûr. Putain, ça me donne envie de chialer. Ouais. Arrêtez de vous marrer. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Ça fait rire Kassim. Lui, c'est un connard. Lui, c'est un connard, sans cœur, Kassim. Bon, et Tom, tu veux ou tu veux pas me pardonner? Ça, oui. Tu veux ou tu veux pas m'aimer? Ça, ça va prendre des années. Hein? Ouais, peut-être qu'elle changera d'avis dans 5 ans. Et toi aussi, t'auras peut-être aussi changé. Et le conseil d'Alice que j'ai noté, c'est Tom, tu tapes une autre meuf, d'accord? Et tu vas voir Ambre, comme par hasard, elle va courir. Elle va se dire, ah, putain, qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Pourquoi t'es pas avec moi? Hein? Ouais, bah, elle fait des crises de vie des fois. Hein, donc, Ah, tu vois, hein? Il attend que ça, en fait, sortir avec quelqu'un. Donc, D'accord. Oui, c'est important. Hein. Et qu'à sortir ensemble, comme ça, il n'attendra plus. Voilà, il n'aura pas à chercher. Hein. Salut, Tom. Merci. Salut à toi, Tom. Gros bisous, Ambre, qui nous écoute en plus de temps en temps. Merci beaucoup, Ambre. Tu raccroches pas, d'accord? Salut, Ambre. Salut, Ambre. Au revoir. 01 42 48 5000, c'est Audrey là qui nous rejoint sur Fun Radio. Elle a 21 ans de Toulouse. Salut, Audrey. Salut à tous. Bienvenue, la Toulousaine. T'appelles pourquoi? J'appelle parce que, en fait, je me fais draguer par un collègue de travail qui est beaucoup plus âgé que moi. Ok. Et c'est ça ta question, en fait? Tu veux savoir comment réagir? Ouais, c'est ça. Ok, bah on en parle dans un instant, tu vas surtout nous parler de lui, qu'est-ce qu'il te dit, on veut tout savoir, là, 01 42 48 5000, on peut parler aussi de la différence d'âge dans un couple. Hein. Voici Riab, c'est Freak sur Fun Radio Love in Fun. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. Cause we can any time of day, it's all good for me. I'm not afraid to if you are that kind of man. Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the day. Et Freak sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. 20h-22h. C'est la Vinfun, on est là tous les soirs, hein. Du dimanche au jeudi, et c'est vrai que ce soir c'est une soirée quand même assez particulière. Eh oui, je sais pourquoi moi. C'était sur Facebook. C'est l'anniversaire de Maxime, notre producteur. Encore une année de passé, encore une bougie de soufflé, encore une année à te supporter. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire avec ton gel. Pogel, c'est Pogel. Notre producteur Maxime Pogel, à qui on souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, franchement, le paradoxe, c'est que c'est quand même lui qui est venu avec les gâteaux. C'est vrai. Bah, non. J'ai tout acheté tout à l'heure. C'est Alice qui a pensé à lui acheter un cadeau. Juste été les chercher dans le frigo, ça va. Ah bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Maxime, notre producteur, a une passion pour les mille feuilles. Ouais. Les mille feuilles. Un producteur, les feuilles, c'est normal. Oui, ça c'est vrai. C'est pas con, mais c'est dégueulasse les mille feuilles, non? Non, c'est bon. Ah ouais, bah ouais. Rien ne vaut une tarte au citron, Maxime. Si tu veux pas le tien, je le prends. Hein. C'est cadeau. Merci. Voilà mon cadeau. Putain, j'ai pas pensé à ramener du gel. Je suis vraiment con. Je suis vraiment trop con. 01 42 48 5000. On va avoir Audrey dans un instant, mais d'abord, on va lire vos messages que vous êtes nombreux à laisser là en ce moment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est parti, Alice. Un message de Ben. Je fume des cigarettes roulées. Est-ce que c'est plus ou moins nocif que la cigarette? Alors, elles sont moins concentrées en tabac, mais ça reste quand même la même chose. Ah, moi j'ai une question aussi. Les roulées, elles sont très tassées, les cigarettes industrielles. Ouais, et ça veut dire quoi, ça, très tassées, c'est mieux, c'est moins bien? Il y a plus de tabac. Plus de tabac. Quand tu roules une cigarette, il y a moins de tabac. Ça dépend, les cigarettes du bled, il n'y a pas beaucoup de tabac, je te le dis moi. Alors, moi j'ai une question sur les filtres. Ouais. Avec ou sans filtre? Parce que c'est ça en fait, les roulées, t'as pas de filtre. Tu peux en mettre, si. Oui, tu peux. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux en mettre. Enfin, moi, je fumais du Amsterdamer à la old school. Hein. Sans déconner, le filtre n'a jamais empêché les maladies graves. Hein. D'accord. C'est exactement la même toxicité. Voilà. Et il est... Ah, désolé. Non, mais. Vas-y. J'ai envie de poser plein de questions. Vas-y, vas-y. Non, mais. Parce qu'il fume encore. Il est censé arrêter. Mais ta gueule. Il fume une cigarette électronique, mais régulièrement, je le vois avec une clope au bec. Mais arrête tes conneries, putain. C'est la vérité. Je sais que ton père écoute. Ta meuf écoute. Eh ben justement, on va te faire foutre, putain. Et donc, je dis, et là, je triche pas. C'est la pure vérité. 20h30. Il fume. Il regarde plus. Non, c'est vrai, il regarde en début d'émission, mon père, des fois. Et non, mais j'ai plein de copines qui fument des petites cigarettes Vogue. Ouais, ça, tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, non, mais bien sûr. Oui. Tu peux expliquer ce que bien c'est? Sûr. Bah, c'est des cigarettes toutes fines. Il y a moins de tabac, forcément. Ouais, donc c'est moins dangereux. Mais non, mais c'est pareil. La toxicité est la même. D'accord. C'est pas dose dépendant, il suffit de fumer. C'est bon, j'ai fini avec mes questions. J'arrête de vous emmerder. Arrête de fumer, ce sera mieux. Et un autre message de Kevin. Pourquoi quand je suis avec ma meuf, je ne pète jamais, j'ai même pas envie, alors que quand je suis avec mes potes, c'est une vraie usine à gaz. Et bien voilà, il respecte sa meuf, il respecte pas ses potes. C'est tout. C'est bizarre, ça. Bah oui, non, mais voilà. Et puis, c'est pas le même enjeu. L'enjeu amoureux, quand même, il y a certains respects de l'autre. Dans le respect d'autre, tu n'arrives pas en lui pétant la gueule, quand même. Ouais, enfin, au bout de 10 ans de vie commune, le respect, je te dis, il part en couille. Hein. Bien, c'est bien dommage, c'est peut-être pour ça qu'il y a un couple sur deux qui s'en va. Ah, bah ça, c'est pas bien, ça. Audrey est avec nous, 21 ans de Toulouse. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Salut Audrey. Alors justement, toi, tu vas nous parler d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc j'ai un collègue de travail qui a 11 ans de plus que moi et qui donc me drague, sachant que je suis en couple en fait. Ah oui. Ah oui. Ça c'est plus. Là, je n'y compte pas. C'est le fait. Il sait que t'es en couple. Oui, il le sait. On va l'appeler, non? Non, quand même pas, non. Ah non, mais pourquoi? Si. Comment tu prends ça en fait, toi? Qu'est-ce qui te gêne? C'est la différence d'âge? C'est le fait qu'il ose te draguer alors que t'es en couple? T'aimes ça? T'aimes pas ça? Je sais pas comment réagir en fait. Il est comment lui? Tu le trouves beau? Ouais, franchement, il est pas mal, mais après, enfin. Ah, attends. Ça te flatte qu'il te drague? Ah, bien sûr. Oui. Eh bien voilà, il te dit la réponse à ta question. Il te dit quoi? Il te fait des petits compliments? Il te dit que t'es très jolie? Il fait des clins d'œil, il t'aimes bien ça? Truc comme bien ça. Sûr. Et c'est comment avec ton pote en ce moment? Son mec? Avec ton mec, oui. Ça va très bien, quoi. Eh bien, il faut savoir ce que tu veux. Non, on joue toujours avec le feu dans ces cas-là. Alors, c'est extrêmement flatteur de plaire à quelqu'un, d'ailleurs garçon comme fille. En même temps, comme ça va nulle part, il vaut mieux être cash. Or, je ne suis pas sûr que tu aies été très clair. Parce que tu sais, quand un mec, quand tu dis à un mec qui te drague, j'ai déjà quelqu'un, en te regardant, il voit bien s'il y a une opportunité. C'est une petite lumière. Voilà. Mmh. Je vois ce que tu veux dire, Doc. Fais gaffe à ça, Audrey. T'as laissé la petite lumière, Audrey, dans tes yeux. La petite flamme. Tu vois, celle qui dit, vas-y, viens dans mon lit. Hein? Je me suis épilé. Fais gaffe à ça, ouais, oui. Tu comprendrais? Oui, oui. Bah, si t'es clair avec lui, il verra plus te draguer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je suis d'accord. Complètement d'accord, c'est certain. Mais c'est un kiff quand même, les filles, de vous faire draguer comme ça. Oui. C'est vrai. Les filles qui adorent ça. Alice, Cécile, vous aimez vous faire draguer même quand vous êtes en couple? Bah, ça dépend par qui, ça dépend comment aussi, parce qu'il y a de la drague quand même qui est super lourde. Oh, vas-y, t'es trop bonne. Ouais, voilà. Oh, tu vois, putain. Ça, c'est... Je m'en passe. Tourner un ins. Oh, là. Vas-y. Vous commencez à me saouler. Vas-y, je peux t'aider. Ok, et donc pour Cécile, ça se passe comment? Ah bah non, mais Cécile, moi je peux pas la draguer. Ouais, la drague pas, sympa, ça veut dire quoi? Non, ça va, elle est dégueulasse. Ah de toute façon, j'accepterai pas que tu me dragues. Cécile, défends-toi. Je te foutrai un râteau, wesh. Je déconne. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les deux bombasses ici dans cette équipe. Non, mais c'est t'as vrai. Vu comme il se raccroche au rideau, lui? Non, mais j'ai déjà dit à Cécile que je la trouvais très jolie. Dans c'était, le noir. C'était juste pour faire la vanne. C'est lui le vrai enfoiré dans cette vrai. Équipe. Ah oui, j'assume. C'est Kassim, c'est pas moi. Alors Audrey, on te fait des gros bisous. Voilà, quand donc on maintenant, bien sois fort, clair. Sois clair avec lui. Exactement. Sinon, après, le mec, il se fait plein d'idées et il va continuer de te faire chier. Ben. Gros bisous à toi, Audrey. Salut, ma chérie. Bisous. Adrien est avec nous, 25 ans de Forbach. Bonsoir, Adrien. Salut. Salut toute l'équipe. Salut, Adrien. Salut. T'appelles pourquoi? C'est un peu compliqué par rapport avec mon ex. Il s'est passé des choses et du coup, ça m'a complètement bloqué, quoi. Ah, mais bloqué sur quoi? Vas-y, dis-nous. En une phrase, on veut savoir. Parce que là, on sait pas ce qui va se passer, mon pote. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en plein acte avec elle et puis j'ai voulu descendre en plein acte par un cunnilingus et à ce moment-là, plus je descendais, plus j'ai Stop eu des Stop. N'en dis pas plus, on va savoir dans un instant. Que s'est-il passé quand il a mis sa tête en bas? Voici Cashmere et Wildcard. Cashmere, Wild Card sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Et n'oubliez pas, tout à l'heure à 21h, vous allez entendre la nouvelle bombe de DJ Snake, découvert sur Fun Radio tout à l'heure à 14h, exclu mondial, carrément. On a été les premiers au monde à vous le passer. Le nouveau DJ Snake que vous entendez toutes les heures sur Fun Radio, on l'écoutera tout à l'heure à 21h. C'est Adrien qui est avec nous, il a 25 ans de Forbach. Salut Adrien. Salut. Raconte-nous le drame. Bon, en fait, voilà, j'étais en plein acte sexuel avec mon ex et j'ai voulu lui faire plaisir. Du coup, je lui ai dit, je vais te faire un cuni et je suis descendu en douceur, j'embrasse le corps tranquillement. Et j'ai senti une odeur bizarre. Et plus je descendais, en fait, et l'odeur était forte, elle me dégoûtait. Un peu comme quoi, par exemple? Honnêtement, je sais pas, les dégoûts, ça me dégoûtait vraiment, quoi. Ah ouais, merde. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah du coup, à ce moment-là, arrivé, bah, je continue à descendre et arrivé en bas, c'est pas possible, c'est mort, je me suis dit, tu t'es pas lavé, enfin, je sais pas, j'aime pas les poissonnières, quoi. Tu lui as dit ça? Tu lui as dit ça? Attends. Ah ouais, et après je suis allé à la fenêtre et je commence à avoir des remontées et tout, c'était pas possible. Ah, t'avais envie de vomir et tout, quoi? Non, mais j'ai vomi. Mais t'as vomi? Oh, non. Mais attends, mais la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle a peut-être un problème de santé en plus. Ouais, bah après, quelques jours après, elle est quand même allée voir sa gynéco et puis elle a appris qu'elle avait une infection, quoi. Elle avait pas oublié un tampon par hasard? Non. Ça arrive. T'as oublié son tampon? Bah c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Moi ça m'est jamais arrivé. Tu peux avoir ce qu'on appelle un véritable état de choc, un choc infectieux. La ficelle. Choc syndrome terrible. Parce qu'il y a une pullulation microbienne qui peut être catastrophique. D'accord, mais il faut être un peu con pour oublier son tampon quand même. Il y a des filles qui oublient. Je sais pas. Elles ont perdu la ficelle, si ça n'a pas tiré sur la ficelle, elles oublient le tampon. Les filles, vous le sentez quand vous avez le tampon dans la... Non, on le sent pas. Ah ouais? Non, c'est le but. Justement, si tu le sens en général, c'est qu'il est mal mis. Moi, je n'en ai jamais oublié, mais c'est vrai qu'une fois, j'ai oublié que j'en avais mis un et j'en ai remis un deuxième. Ah, pas mal, voilà. Tu vois, on peut oublier. Ouais, mais genre à 15 minutes d'intervalle. Mais bon, après, voilà, je suis tête en l'air, hein, c'est tout, c'est comme ça. Bon, alors, du coup, t'as développé une sorte de phobie, en fait, Adrien? Bah, j'ai un peu un blocage pour faire aller clinique, quoi. Bon, maintenant, elle est soignée. Ouais, après. Alors, ce que je vais te conseiller, maintenant qu'elle est soignée, excuse-moi, mais c'est d'y retourner pour t'enlever cette mauvaise image. Ah oui, on refuse pas des bons fruits de mer quand même. C'est vrai, un petit calamar, ça fait plaisir. C'est du poisson avarié quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Mais ça peut arriver d'avoir des petites mycoses, des petites infections non, comme ça. Non, mais il peut avoir une infection bactérienne, il peut y avoir différentes choses. En fait, la pullulation microbienne va déclencher production de gaz. Donc, une odeur absolument un peu forte et musclé, bon voilà. Ouais. Mais je vais vous dire une chose. Rappelez-vous que Louis XIV, c'était il y a pas longtemps, quand il voyait une jolie bergère et qu'il voulait donc la consommer, bien sûr, faire l'amour. Et que tous les mecs autour allaient la laver, on lui amenait laver, disait non, renvoyez-moi ça, je la veux dans son jus. C'est dégueulasse. Putain, Cécile, tu peux dire un truc? Oui, je trouve que les mecs, souvent, c'est l'excuse pour pas faire de cunis. Ouais, ça sent un peu fort, je sais pas quoi. J'aimerais quand même être claire, vous sentez pas toujours bon de la bite, hein? Ah bah oui. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose d'important. Quand on aime vraiment quelqu'un. Non, Doc. On aime pas une odeur dégueulasse. Enfin, sans aller jusque-là. Mais les odeurs font partie, effectivement. Enfin, tu les intègres mieux ça dans sent une le relation sexe, amoureuse. Bien oui, sûr, heureusement, mais ça sent pas j'espère. La saleté sur le sexe, quoi, tu vois. Non, parce que quand c'est pas propre, ça pue vraiment, quoi. Ah. Je veux dire, j'ai quand même deux, trois fois passé une petite soirée avec Cassine. Tu l'as reniflé. Ah, il m'a senti le sous-couille. Ah, on a souvent pris des douches ensemble. Ouais. J'ai vu des copeaux qui partaient. Ah, c'est ça. Le savon. Hein. Non, mais c'est vrai. Bon, Adrien, il y a une chose qu'on a oubliée. Ah oui. T'as vomi, tu as dit qu'elle puait le poisson, elle a réagi comment après? Bah, elle savait plus se mettre, quoi. On a une forte pensée pour elle. Bah, carrément, Adrien. Et quand on tombe de cheval, il faut remonter, bah, c'est pareil. Hein. Oui. Il va falloir exact. Que tu regoutes au bouton d'or, d'accord? Pas mal, ça n'existe pas, les phobies des cunilingus, hein, je te rassure. Quand c'est bien pratiqué, c'est pas bon. Ouais. Salut Adrien, et venez nous dire justement, parce que là, on a eu Adrien qui nous parlait des filles, Mais justement, comme Cécile l'a dit, si vous, vous êtes arrivé de tomber sur un sexe malodorant, hein, une mauvaise surprise, venez là chez vous les filles, c'est le moment de vous venger là. 01 42 48 5000, on aura le chiffre d'Alice. Tu vas nous parler de quoi ce soir, Alice? On va parler des personnes qui ont déjà recouché avec l'un de leurs ex. Voilà. Est-ce que vous avez regretté ensuite? Dites-nous, au contraire, ça a été une vraie bonne expérience, vous êtes remis ensemble. 01 42 48 5000, on va savoir si c'est bien ou pas de recoucher avec son ex, et comme promis... Découvert en exclu mondial aujourd'hui sur Fun Radio. Il sort demain. Le nouveau DJ Snake et Talk sur Fun Radio. Réagissez à l'émission sur Twitter. Hashtag LovinFun. Check it out. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Get your hands up. Galantis. Benny Benassi et Chris Brown. Matin. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Salut, c'est Bruno. Vous savez la famille qu'on est presque voisins? Bah oui, si les voisins de mes voisins sont mes voisins, on est tous un peu voisins, non? Et comme le 27 mai, c'était la fête des voisins, on va fêter ça! Alors si vous avez besoin d'un coup de pouce pour bricoler, jardiner, organiser une soirée, partir en week-end, déposez votre demande sur allovoisin.com avec le hashtag AlloBruno. Et rendez-vous tous les matins dans mon émission, je m'occuperai de vous personnellement. Allovoisin.com, c'est très utile, un voisin. Conditions sur funradio.fr. Fun Radio. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Ah, retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr. Salut, c'est Kungs sur Fun Radio. Le son dance. More music now. Le son Dance Floor. My, when you love me. And your hands are all over my body. Body, baby. Nothing better than feeling the pressure. Oh, of the blood run through my veins. Je deviens fou quand... chiffre d'Alice dans Love in Fun sur Fun Radio. C'est tous les soirs dans Love in Fun, on se fait le chiffre d'Alice. Et ce soir, on parle de quoi, Alice? On parle des ex, parce qu'il y a 63% des gens qui ont déjà recouché avec un ex. Du moins, qui avouent l'avoir fait. Ouais, non, ça m'étonne pas. Forcément, il y a toujours une petite période, hein, doc, où on est plus ou moins ensemble. Même quand on est séparés, il y a toujours quelque chose. Ça sent l'expérience. Ça. Bah ouais. Non mais alors, tu sais ce qu'on m'a fait une fois? Vécu. Une fois, on m'a dit, on fait une dernière fois l'amour. Ah, il y en a plein. Pour se dire au revoir. Ouais, ça c'est vraiment le mauvais plan, surtout quand t'es encore amoureux de ta nana et que la meuf elle veut séparer de toi, quoi. Tu souffres vachement dans ce genre de situation. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Dites-nous si vous avez déjà recouché avec votre ex. Est-ce que ça a relancé l'histoire ou au contraire, c'était foutu, hein, définitivement. On a Diana qui est avec nous, 26 ans de Toulouse. Salut Diana. Salut. Salut Diana. Salut. Salut, salut. Salut Diana, raconte-nous. Alors ça fait longtemps. Enfin, j'étais jeune. À l'époque. Bah, tu n'es pas très vieille non plus. Là. Et oui, donc ouais, j'ai recouché avec un ex en fait. Bon, après j'étais sous l'emprise de l'alcool et j'étais dans un moment d'égarement en fait. J'étais dans une période d'égarement et donc après en fait j'ai regretté après parce que je me suis mis à la place de sa copine en fait. Il y avait une copine. Ah ouais. Toi, ouais, t'avais pas de copain. Non. Ouais, donc finalement. Ah oui. Donc c'est après où je me suis mis à la place de sa copine et je me suis dit moi j'aimerais pas qu'on me le fasse donc, bah, peut-être qu'il te l'avait fait justement. Peut-être. Ah c'est vrai, t'as pensé mais, à ça? Non mais j'étais même pas avec lui. Donc, mais l'alcool n'excuse pas tout quelque part. Qu'est-ce que tu voulais? En fait, t'étais pas un peu jalouse de cette fille, tu le savais qu'il avait une copine et t'avais pas envie de le récupérer? Non, j'avais pas envie de récupérer. Je savais que qu'il avait une copine en fait, mais ouais. J'étais dans un moment d'égarement et voilà, c'est parti. Est-ce comme que tu l'as revu depuis? Non, je le revois plus. Non. Ah ouais, donc vous avez couché ensemble et puis après c'était fini quoi. Ouais. Ah oui, c'était fini direct. Oui. Ok. C'était d'une façon. Oui, parce qu'il a fait sa vie et puis maintenant il a une copine, il a un gamin, donc. Ouais, et toi, Diana? Moi? Ouais. T'es célibataire, tu cherches quelqu'un, t'as un mec? J'ai un mec. D'accord. Ça fait 3 ans. Bah, félicitations. Voilà. Le fameux cap des 3 ans. Attention, d'après Doc, tu vas casser avec ton mec dans les mois qui arrivent. Non, c'est différent. Ah si, Doc c'est pense pas que... prêt, non. Non, Doc pense que l'amour dure 3 ans. Doit évoluer. Ah oui. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Suzanne. Un couple est fiancé, voilà. Ah oui, bah, félicitations à toi. Et Suzanne est avec nous, 21 ans, de Saint-Jean d'Angély. Bonsoir Suzanne. Salut. Bonsoir toutes les filles. Salut Suzanne, parle bien fort dans le téléphone. Raconte-nous toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, c'était il y a quelques années déjà. En fait, on est sortis ensemble en 2011. Il m'a quitté au bout de 2 mois. Il est revenu un mois après. Et au bout de 2 mois, il m'a requitté en fait. On était restés amis. Et voilà, parfois, les choses en entraînant une autre. Il y avait toujours une attirance. Et Donc, toi, une attirance, elle peut être aussi amoureuse encore. Ben, moi, le problème, c'est que oui, je pense que j'avais encore des sentiments, mais lui, c'était très clair de son côté. C'était Bruno Guillon. Pourquoi? Ben, il est de Saint-Jean-d'Angély, Bruno. Ah, ah oui. C'est ça, c'est lui? C'était Bruno. C'est toi qui plonge. C'est ça, t'imagines, elle nous dit oui. Ah bon, c'est lui? Ah oui, c'est lui, on l'appelle tout de suite. Suzanne, donc pour toi, ça n'a pas été une très bonne expérience. En fait, tu t'as recouché avec lui parce que tu pensais peut-être le récupérer. Ben non, pas forcément, non, c'est que voilà, je l'appréciais toujours, il y avait toujours cette attirance, mais voilà, je savais que de son côté, enfin, c'était clair pour lui. Et puis, voilà, ouais. Il t'a laissé tomber. Là, on a arrêté parce que. Oui, enfin, t'as arrêté, il t'a laissé tomber une deuxième fois. C'est ça. Moi, il me le dit. Enfin, après, il a toujours été honnête avec moi, donc c'est ça, j'ai rien. D'accord, à il n'a pas triché. Ok. Donc, est-ce que. Voilà, il y en a plein qui nous écoutent et qui sont tristes, là, ils ont peut-être des ex et tout. Est-ce que quand c'est fini, c'est fini? Ouais, je pense qu'il y a toujours des. On fait pas le deuil de quelqu'un aussi facilement, bon, sauf si vraiment on n'a eu aucun sentiment, donc forcément il y a encore un attachement, des choses comme ça, les circonstances font que peut-être il y a des retours. Ça peut repartir. Ouais. Ah, Amandine est avec nous, elle nous appelle de La Réunion, bonsoir Amandine. Salut Amandine. Bonsoir toute l'équipe. Bienvenue. Salut. Amandine, ça fait plaisir d'avoir La Réunion, il est 22h56 à La Réunion. Oui. D'accord. Et ça va le temps aujourd'hui Ça va nous dégoûter. Oh non, ce soir il pleut là. Ah, il pleut. Super. Ça nous fait bien plaisir. Parce que nous aussi il pleut. Oui, enfin il pleut mais avec 30 degrés. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Comment ça se passe à La Réunion? Est-ce qu'on recouche avec ses ex à La Réunion? Ah oui, moi, en fait, j'étais jeune. On va dire que c'est ma première relation longue. Et ben, après, quand ça s'est terminé, on a décidé de rester planqué quand même. Mais bon, à la suite, il y a eu des complications puisque je suis tombée enceinte. Donc. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est ouf. T'as gardé l'enfant? Oui. J'ai appris que j'étais enceinte, j'avais déjà 4 mois de grossesse. Ah oui. Ah ouais, donc tu recouches avec ton ex, tu tombes enceinte, quoi. Et il est resté avec toi ou il s'est barré quand même? Non, il s'est barré. Il s'est barré? Est-ce qu'il a reconnu l'enfant? Non. Non. Donc voilà. Il ne s'est pas occupé de toi. C'est-à-dire qu'il savait que tu étais enceinte et il ne s'est pas occupé de toi. Exactement. Il sait maintenant qu'il a un enfant. Il a quel âge, enfant? Il a 5 ans cette année-là. 5 ans et donc, voilà, ça ne l'intéresse pas. Bon, il verra pas me casser la gueule, donc je peux dire que c'est un bel enfoiré. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux simplement qu'il l'entende. Tu peux le lui dire. Hein. Lorsque l'enfant a 18 ans, il fait une recherche de paternité, il est obligé de le reconnaître. Ah oui, voilà. Oui, c'est la loi. La loi est ainsi faite. L'enfant à 18 ans peut demander à faire une recherche de paternité. Voilà. Alice, t'as déjà recouché avec un ex? Ouais, ça m'est arrivé une fois et c'était genre une grande histoire d'amour. Il m'avait lâchement largué et au final, moi j'étais persuadée que ça avait une importance pour lui en fait. Donc j'étais du style, enfin voilà, on était tous les deux, on a recouché ensemble et je pensais que ça signifiait quelque chose, alors que pour lui pas du tout quoi. Donc c'était hyper douloureux. Tu veux dire quoi? C'était juste tirer un coup pour lui. Ouais, c'était ça. Et au final, quand je m'en suis rendu compte, j'étais là en train de chialer quoi. Et au final, je me suis barrée, j'ai pas été jusqu'au bout, j'allais pas lui faire ce plaisir quand même. Donne-moi son numéro. Je vais te le donner, tiens. Ah, je l'appelle. Le salaud. Avec grand plaisir. Comment il osait faire ça, Kassim? Il a que des ex, ce coup. Ouais, c'est vrai. Oui, moi j'ai voulu recoucher avec une ex parce que pour le coup elle était vraiment très bonne. Elle voulait pas trop si on n'était pas amoureux. Alors je lui dis que j'étais amoureux et tout. Je l'ai baisé et je l'ai jeté après. Alors de la part de toutes les femmes, tu es un putain de connard, Kassim. Oui, voilà. Elle était bonne. Oh, mais et alors? Bah voilà. Tu les mérites pas. Moi aussi je l'ai fait avec une ex. D'ailleurs c'était ta mère, Kassim. Non. Ça c'est tellement bien elle mérité. Elle m'a raconté ta petite bite. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bon, et si vous voulez, vous le prouvez. Ouais. Ouais. Oh, le monstre. Il y a que de la gueule. Ouais, ça va. Ça va, dit tout de suite. On est filmé. Je tiens à garder mon poste quand même. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On sera avec Charlie, 18 ans de Nancy. On va faire le défi, fallait pas demander. Il va carrément appeler sa meuf pour lui demander s'il peut passer une soirée avec son ex. Autant vous dire que ça va foutre la merde. Vous bougez pas, dans un instant on le fait. Il y aura aussi, bien sûr, comme promis, la nouvelle bombe à découvrir de DJ Snake. Mais d'abord, c'est G-Eazy sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Bonne soirée à tous. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, all this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. Woo, it's just me. got me for life. Woo, I don't need a handhold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. I laid awake, pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Know I'm great, but I'm broke as hell. Having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, yeah, it's no debate. Yeah. Woo, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo. Yeah. Sur Fun Radio, Me, Myself, and I. On peut parler de tout, mais pas n'importe qui. Oh, arrête de me demander des trucs comme ça, voyons. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. Le défi fallait pas demander. Tous les soirs, c'est à 21h sur Fun Radio dans Loving Fun. Ce soir, pour jouer avec nous, il y a Charlie, 18 ans de Nancy. Salut Charlie. Salut Doc, salut Karel. Bienvenue salut. À toi, salut. Charlie. Il y a des tablettes à gagner. Hein. Belle petite tablette là, mais à condition de faire le défi, tu vas poser une question à quelqu'un, c'est quoi que tu vas demander toi? Je vais demander à ma copine si je peux passer une soirée avec mon ex, une seule. Et la nuit aussi, il peut en couiller. Ah bah, bien sûr, ça oui, va venir. Bah oui, ah oui, oui. Commence doucement déjà de passer une soirée avec son ex, ça risque de l'énerver. Elle est jalouse? Oui, très jalouse. Ah, ça va pas être mal. C'est parti, Charlie, on appelle Charlène. Charlie et Charlène. C'est drôle. Allez, vous étiez faits l'un pour l'autre. C'est ça. Jusqu'au moment où t'as fait le défi, fallait pas demander. Allô? Oui, B. Ouais, tu voulais me dire quoi? Bah, je voulais savoir, en fait, là, je suis avec Laura. Bah, tu sais qui est Laura, du coup. Laura? Oui, bah, en fait, elle m'a recontacté, on s'est reparlé, et, elle voulait qu'on passe une soirée ensemble, donc je suis allé la voir. C'est une blague? Bah, non, là, je suis avec, là. C'est son téléphone que j'ai. Tu m'appelles avec le téléphone de Laura, là? Oui. Parce qu'en fait, si tu préfères... Chez Laura, là? Ouais, non, là, je suis chez elle, là. C'est pas possible. Bah, si. Passe-la-moi. Elle était morte, je viens te chercher, moi. Non, non, je suis avec elle, là. Elle m'a proposé de boire un coup, ce soir. Et je voulais savoir, en fait, vu que je risque de boire, si ça te dérangeait que j'y dorme, en fait. De boire un coup avec Laura et de dormir là-bas, mais tu te prends pour qui? Bah... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te prends pour qui, là? Mais c'est juste pour un soir. Ouais, c'est juste pour un soir. Attends, t'es en train de me dire quoi, là? Ouais, j'hallucine, c'est pas possible. Wouah, t'es où là? Chez elle. T'es en train de me dire que tu veux dormir chez Laura? C'est juste pour un soir. Bah oui, vu qu'on risque de boire un coup et qu'on risque de dormir ensemble, en fait, vu que quand je bois, je me contrôle pas forcément, j'ai peur qu'il se passe des trucs, donc je voulais te prévenir. Tu te fous de ma gueule? Bah non. Je te préviens que tu me fais un coup comme ça, demain tu rentres même pas à la maison, tes affaires elles sont brûlées. Hein. Bah ouais, mais je suis honnête. Tu te fous de ma gueule, toi. Tu sais quoi, je débarque chez elle, je la dégomme, elle, hein. C'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible, hein. Mais non, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Ouah, non, mais c'est pas grave. Tu veux que j'aille coucher à droite à gauche, moi? Mais tu te crois où, putain? Je suis en train de rêver, là. Vas-y, c'est bon, raccroche. Bah, attends, je te la passe. Putain. Vas-y, raccroche, là, c'est bon. Passe-la-moi, je l'entends derrière, passe-la-moi. Bah, vas-y, je te la passe. Allô? Oui, Laura, tu te crois où, là? Non, mais sérieux, tu te prends pour qui, toi? Allez, c'est bon, déjà, tu vas te détendre, ok? Mais je vais me détendre de quoi? Déplace-toi, connasse, tu te prends pour qui, là? Non, mais écoute, si t'as un problème, en attendant, ton mec, il est venu me voir, là, non? Tu règles ça avec lui, non? S'il est venu, c'est que... Mais quoi, je me crois où? Attends, et c'est bon, on est en bon terme. J'ai demandé de passer boire un coup. En bon terme? Bah ouais, on est en très bon terme. Je te le dis directement. Mais il t'avait jamais dit qu'on se voyait de temps en temps? Non, non, mais il n'y a pas d'histoire d'où on se voit de temps en temps, ou je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Hein. Hey, mais, et pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi t'es jalouse? Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais hey, t'as pas confiance en ton mec ou quoi? Attends, tu te fais tirer à droite à gauche, le gars il vient. Putain, mais j'hallucine quoi. Le mec en plus, il a le culot de venir te voir. Hey, si t'as peur, sérieusement, t'inquiète pas, j'ai des capotes. Hein. On va rien partager. Hein. Ouais, sérieux, Laura, sérieux, me dis pas des trucs comme ça, je débarque chez toi, je te défonce. Hein. Franchement, je m'attendais pas. Attends, sérieux, je te brûle. Viens, on t'attend, sérieux, ça peut être cool. Ça peut être vachement sympa. Hein. Ouais, répète là. Ouais, écoute, tu sais quoi, je te laisse régler ça avec lui. Je te le repasse. Allô? Oui. Oui, mais au moins, bah, si tu veux, tu peux nous rejoindre hein, dans la nuit, il n'y a pas de souci. Hein. Vous rejoindre dans la nuit? Bah oui. Non, mais tu veux moi, que je te propose des plans à trois avec des bonhommes? Bah ouais. Non, enfin, je sais pas. Casse-toi, tu sais quoi, c'était pour me faire des trucs comme ça, casse-toi. Reviens même pas. Bonjour, vers moi, raccroche. C'est ici la partouze? Oh, c'est qui ça? Bonsoir, Charlène. C'est qui là? T'es en direct sur Fun Radio, c'est Karel. Oh putain! Oh oui! Ah ouais! Oh, Charlène, elle lui avait fait des décharges d'adrénaline, la pauvre. Elle a fait des kilos d'adrénaline. Sans déconner. Elle va s'en souvenir de ce canular et de son défi. Fallait pas demander. Charlène, t'es en direct sur Fun Radio. Tout ce qui s'est passé, c'est pas vrai. Hein. Okay. C'était pour gagner une tablette tactile. Bientôt, qui va arriver à la maison. Tu vas pouvoir surfer sur Internet. Je pense que tu vas lui piquer direct. Hein. C'est ça. Ok. Tu pleures pas, Charlène, quand même? Non, ça va, mais je vous jure qu'il rentre à la maison ce soir, je le tue. Bah oui. C'était pas non, du tout Laura que t'avais au téléphone, c'était Alice qui est avec nous. Salut, Alice. Bah, c'est moi qui t'ai dit. Non, mais vas-y, redis ce que t'as dit là. Tu as connasse, dit grosse connasse, elle a dit. Non, mais en même temps, j'ai joué les connasses. Hein. Oui, c'est vrai. Charlie, dis un truc à ta copine là. Ouais, en fait, je suis juste chez mes parents, hein. je prends ce soir. Je peux passer vérifier comment ça se passe. Non, mais tu la revois pas, ton ex? Tu la revois jamais, si? Non, bah non, je l'ai même pas en contact. Okay. Ouais, vaut mieux. La pauvre, je crois que je lui faisais du mal, c'était fini pour elle. Tu sais maintenant que si jamais tu fais un sale coup, ça se passera sur tes fringues. Allez. Ah ouais, non, mais je... Pense à les planquer. Salut Charlène, gros bisous Charlie, salut à bisous. Tous les deux. Salut. Fallait pas demander. Sauf à la team de Loving Fun sur Fun Radio. Tout peut arriver hein, dans Loving Fun. 01 42 48 5000. On a Dorian qui est avec nous. Il est de Guingamp. Salut Dorian. Salut Dorian. Salut Dorian. T'as 12 ans. Parle bien fort dans le téléphone, Dorian. En Bretagne. Oui, là, oui. T'appelles pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un gars tout à l'heure, il m'avait appelé et il m'avait dit ouais, je vais te casser la gueule. Ah ouais, on t'a menacé en fait? Oui. D'accord, et tu sais pas comment réagir, c'est ça? Ouais. D'accord, on va en parler avec toi, bien sûr, hein, si vous arrive des petits ennuis comme ça, là, ça fait flipper un genre de truc. Hein. Évidemment. On va en parler, 01 42 48 5000, on écoutera Koums aussi dans un instant. Et j'annonce, vous bougez pas, la nouvelle bombe de DJ Snake, découvert en exclu mondial hein, cet après-midi sur Fun Radio. Vous allez entendre Talk, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Cette semaine, dans le Night Show, Marion Yanso vous envoie à Madrid. Avec Vueling Airlines. Salut, c'est Marion Yanso. On vous donne rendez-vous tous les soirs pour vous offrir vos billets d'avion direction la fête. Los tapas, el soleil, el flamenco. Tout ça, c'est grâce à Vueling Airlines. Tous les soirs. 22h minuit. Here we go. Marion Yanso, le Night Show. Sur Fun Radio. Oh là là la famille, c'est bientôt le coup d'envoi de la plus grande compétition européenne de foot. Va y avoir du sport. Comment ça, votre télé est trop vieille? Impossible qu'elle vous lâche un soir de match. Pour ne pas rester sur la touche, allez vite choisir la télé de vos rêves sur Cdiscount. Ils ont des offres de dingue. Et à partir du 6 juin, tous les matins à 8h10, je vous paie vos télés achetées sur Cdiscount. Alors envoyez-moi vos factures à facture@funradio.fr. Avec Cdiscount, vous êtes sûr d'être bien équipé pour vos soirées foot. Conditions sur funradio.fr. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016. Ils entrent sur le terrain. Plus de 80 journalistes et consultants pour vous faire vivre 100% des matchs en direct. Ils sont tous là. Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Robert Pires, Marcel Desailly en grande forme, Darren Tullet, Luis Fernandez, Christophe Jos bien sûr, et un Bruno Cherou très motivé, sans oublier... Vivez l'intégralité de l'Euro 2016 avec tous les matchs de la France et un dispositif exceptionnel 24h sur 24, seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Touch of your skin. Exclu mondial cet après-midi hein, sur Fun Radio. Vous venez d'entendre la nouvelle bombe de DJ Snake qui va sortir demain. C'était Talk sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. N'hésitez pas à demander des conseils. On est là pour vous aider tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel. Doc est avec nous, bien sûr. Il est médecin. Hein, c'est un vrai médecin. Toujours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Kassim, c'est une arnaque. Une vraie arnaque. Ouais. Hein, tous qui les soirs, avec nous. Ouais. Oh là là. Une arnaque qui baisse. Enfin, tous les mecs qui ont une relation sexuelle ne sont pas des arnaques. Non, bah, lui, c'est une arnaque. Lui, et c'est je suis sûr qu'il baisse pas. Hein. Bah, si. En tout cas, Doc, il m'a dit qu'il allait baiser après. Mais bon, après, j'ai rien dit. Hein. Ah, c'est vrai. Je ne peux pas ces mots-là. Ah, avait, c'est vrai il qu'on avait a copulé avec on a une gentille dame. On n'a pas pris des nouvelles de Katoche ce soir. Voilà. Pas comme ça, j'aime pas ce mot-là. Sans déconner, tout à l'heure, vous voulez. Un vrai prénom. On vous dit tout. Je sais que c'est l'anniversaire de Maxime, notre producteur. Et alors, tu veux dire quoi sur moi encore? Eh ben, je veux tout simplement dire que tu t'es rué sur les gâteaux parce que tu nous as dit que t'avais besoin d'énergie pour après l'émission. J'ai dit ça, moi. Ah ouais, oui. t'as dit ça. Mais en dansant, tu sais, en plus. On sait ce que va faire Doc après l'émission. C'est vrai que tu nous as fait un petit pas chassé, là. Très sympa. Ouais, on va accueillir Dorian, 12 ans de Guingamp. Salut, Dorian. Salut. Salut Dorian. Ouais, ça va. Dorian, il est très, très embêté. Ouais, très triste. Ça va pas, Dorian. Tout à l'heure, tu étais en pleurs avec Cécile au standard. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a des gars d'Angoulême. Ils ont dit, ouais, viens, on va te défoncer la gueule et tout ça. D'Angoulême? Ils sont ouais. Plusieurs. Attends, d'Angoulême, c'est loin de la Bretagne, hein, Guingamp. D'accord. Mais, bien d'abord, sûr. Il y avait une fille qui a raccroché, ouais, je suis une copine à Cire. Puis après, il y a son mec qui a rappelé juste après et qui a commencé à me menacer. Attends, est-ce que tu les connais? Bah non. Mais ils t'ont appelé comme ça, par hasard? Je sais pas, ils ont dit, ouais, c'est pas ton numéro, t'as pas 12 ans. D'accord, ils t'ont menacé, mais en même temps, ils ne connaissent même pas ton prénom. Mais non. Bah non. Imagine que ce soit probablement une erreur de numéro. Est-ce que leur numéro s'affichait? Ouais. Ah bon, alors tu vas nous le donner et on va les appeler. Tu peux nous le donner ou pas le numéro? C'est-à-dire que mon beau-père a dit qu'il allait au commissariat demain. Du coup, non, attends. Dorian, on va tout te rassurer. Je pense que c'est une erreur. C'est ce qu'on va faire. Doc va se faire passer pour ton père, d'accord? Qui n'est pas content et on va les appeler. D'accord, Dorian? Non, parce que mon beau-père, il a rappelé juste avant. Du coup, je ne sais pas. T'inquiète pas. Donne le numéro de téléphone à Cécile, ok? On va les appeler. On va gérer ça. Bon, et Dorian, il a 12 chance, ans. Il a 12 ans. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Des menaces gratuites. Mais bon, moi, je pensais que c'était des camarades du bahut. En plus, je vais te dire, Angoulême, Guingamp, ça va, il y a une grosse trotte. Hein. T'imagines. Enfin, les boulets qui menacent quelqu'un sans savoir même qu'ils appellent. Ouais, mais c'est ça. En plus, Dorian, comme il est jeune et tout, il a 12 ans, il a paniqué, quoi. Il a flippé. Ne crains rien, Dorian, ça va bien se passer. Ouais, Papa Doc va les appeler. Ouais, gentiment. Ils ont donné un nom, un prénom, quelque chose, non? Attends, parce qu'il est en train de donner le numéro de téléphone. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça peut prendre une heure. Je te cache pas que là, on est sur un quota de une heure pour donner le numéro de téléphone. Mais on est en train de le noter. D'ailleurs, dites-nous si vous aussi, vous avez déjà été menacé comme ça, verbalement, par téléphone. On a le numéro. Allez, Dorian, on appelle. Dorian, ils ont donné leur prénom ou pas? Non, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils m'avaient laissé un message, ils parlaient en... Les gars, à la fin, ils avaient parlé en arabe. On t'entend très mal, Dorian. D'accord, on va appeler. Peu importe la langue. On va faire vite. Oui. On s'en fout. Vas-y, Doc. Fais-les flipper. En breton, ça déconne pas. Je vais pas oser répondre maintenant. C'est un échec. Ils sont peut-être déjà au commissariat. Oh, ils ont déjà peur. Je pense que depuis qu'ils savent que tu vas les appeler... C'est Brigitte. Ah, c'est Brigitte. Ah, dis donc, on est tombé sur le téléphone portable de Brigitte. Ah putain, c'était une meuf, Dorian, que t'as eu au téléphone? Il parie, oui. Elle est bizarre, ton numéro. On a eu Brigitte au téléphone, Dorian. C'est pas ta grand-mère, c'est pas ta tante, non? Tu t'es pas gouré de numéro? Bah non, quand même pas, je suis pas bête non. Bon, tu prends pour un con quoi, Doc, sans déconner, hein? Il est pas bête. On recommence, on appelle Brigitte. Bon, on rappelle une dernière fois. C'est parti. Ouais, t'inquiète pas, Dorian. Alors, l'autre possibilité, c'est qu'ils aient volé un téléphone. Ouais. D'une dame qui s'appelle Brigitte. Possible. Voilà. Possible, inspecteur Doc. Ah oui, donc on peut appeler, on peut. Ils ont peut-être pris le téléphone de leur grand-mère après. Ah, peut-être aussi, Dorian. Ouais, elle s'appelle Brigitte, oui. Elle connaît. Sinon, tu vas laisser un message, Doc. Laisse un message à Brigitte. Tu vas rendre folle de jalousie, Katoche. Non, je ne laisse pas de message. Message, voilà. Allô? Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? J'ai besoin de vous parler. Oui, je vous laisse de quoi? Non, rien, on va parler très amicalement. Ouais. C'est au sujet d'un coup de fil qu'un garçon a reçu avec des menaces. Alors je me demande... Quelles menaces? Des menaces. Monsieur, oui. Vous commencez, vous voulez me dire quoi là? Je suis en train de parler à mon ami. Si mon ami, et qu'il a le téléphone, là, qu'il a reçu ces menaces, il ne peut pas m'appeler, ça veut dire quoi? Attendez, je vous explique. Le garçon qui a reçu... Non mais ne vous fâchez pas, restez calme. Je vais vous expliquer la situation. À mon avis, il y a une erreur sur le numéro. Le garçon que vous avez appelé, vous aviez peut-être été fâché contre quelqu'un, c'est un garçon de 12 ans. C'est un enfant. Donc en tant qu'adulte, j'appelle pour simplement avoir une explication avec vous et pour peut-être le rassurer. Alors ne vous fâchez pas. Bah, écoutez, monsieur, moi, j'ai un numéro, il s'appelle, ce monsieur, il s'appelle Cyr, moi, vous savez. Donc, ce numéro, on m'a donné ce numéro-là, que ce garçon-là, tout à l'heure, j'ai eu une petite fille, déjà, qui avait 12 ans, elle m'a dit. Oui, c'est ça. C'est un garçon. C'est un garçon, et oui. Non, mais est-ce que vous pensez pas, enfin, je sais pas, il y a quelqu'un, visiblement, il y avait un compte à régler. Vous avez une grosse voix, vous appelez vraiment Brigitte? Oui, je m'appelle Brigitte, ouais. Ah, d'accord. Ben vous, ouais. Pourquoi pas, ben c'est pas grave. Donc voilà, on voulait comprendre, est-ce que vous avez appelé quelqu'un avec lequel vous aviez un différend et que finalement vous vous êtes trompé de numéro, vous êtes tombé sur ce jeune garçon. Voilà, c'est ça la question. La question, je ne sais rien du tout. J'ai ce numéro, et je cherche à rejoindre une personne qui s'appelle M. Cyr. Oui. Et il m'a donné ce numéro et voilà. Ah, et d'accord, j'ai compris. Donc vous cherchiez à joindre M. Cyr. Oui, c'est moi. Bonsoir, je suis M. Cyr. On parle de moi. Ouais. Alors, simplement, c'est pas le bon numéro. Et vous êtes tombé sur un jeune garçon. J'attendais un appel. D'accord. Non, mais là, j'entends plein de voix là, derrière vous. Là. Ah bah, vous êtes en direct sur Fun Radio, c'est normal. Ah oui, vous êtes dans toute la France là, en ce moment, Brigitte. Mais voilà, on voulait simplement, gentiment, s'expliquer avec vous, sans chercher de polémique. Donc, simplement pour rassurer ce jeune garçon, vous cherchiez à joindre un certain monsieur. Non, mais il y a une personne qui m'a appelé, là, qui m'a dit on va vous appeler la police, on va ramener la police. Alors, police attendez, bougez pas, il est avec nous, ne vous fâchez pas. Dorian, es-tu là? Dorian, te passe, Brigitte. Oui. Alors, est-ce que tu comprends que ce monsieur. Qui t'a peut-être appelé Brigitte. Tout à l'heure, et que tu as rappelé, chercher à joindre un monsieur qui n'est pas toi, parce que tu t'appelles pas Monsieur Cyr. Bah, j'ai essayé d'expliquer, il voulait rien entendre, il a dit, ouais, je m'en bats les couilles, c'est toi, Monsieur Cyr, c'est ton numéro, alors maintenant, arrête ta comédie. Alors, monsieur, je ne sais pas enfin, comment Brigitte. Vous appelez, Monsieur Brigitte. Madame, mais alors, comment ça se fait qu'il y en a un qui m'a appelé tout à l'heure avec une voix un petit peu africaine, là, et qui m'a dit, mais moi, on va appeler la police, pourquoi vous allez appeler la police? Moi, je voudrais bien savoir pourquoi vous allez appeler la police. Dorian, c'est ton beau-père qui a appelé? Oui, c'est mon beau-père parce que j'avais peur et il voulait... Voilà, alors comprenez, ne vous fâchez pas, monsieur Brigitte, non, tout va bien. Mais simplement, mettez-vous... Écoutez-moi, monsieur. Oui, écoutez-moi, vous en prie, allez-y. S'il a appelé la police, moi, j'ai rien à me reprocher, moi. Bien sûr, mais on ne vous accuse pas. Non, mais attendez, et comprenez bien. Comprenez simplement la situation. Si il a parlé avec la police, moi je vais donner le numéro mais de la police. Mais non, monsieur, police, attendez, moi, attendez. Savez, je veux simplement que vous compreniez la situation. Monsieur Brigitte. Vous savez, moi je encule les policiers. Monsieur Brigitte, oui, bien sûr, moi aussi. Brigitte, monsieur Brigitte, comprenez ouais, monsieur que... Brigitte, on rigole pas derrière, là, parce que si vous voulez voir Poucave, on va aller Poucave, alors. Non, mais tout va bien. Qui veut Poucave? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Écoutez, j'ai pas d'enfants, je suis tout seul, moi. Je suis libre, j'ai pas d'enfant, moi. J'ai rien. Moi, j'ai rien à retenir, moi. Moi, si j'y vais, tu vois. S'il y a Poucave, on va Poucave. Alors, si tu veux. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, monsieur Cyr? Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ça, c'est rien. Mais... Moi non plus, j'ai rien. Écoute-moi bien. Si je suis à Poucave, eh ben, c'est que je suis à Poucave, bah, tu es Poucave. Poucave. Ouais. Moi, j'aime bien Poucave. Ah, bah, ça rigole derrière. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Brigitte, eh ben écoute-moi bien. C'est en toute amitié que je vous appelle. Tu t'appelles Cyr, parce que je sais que c'est le numéro à Cyr, ça. Non, il comprend rien, putain. Alors moi, je m'appelle Doc. Il y a Karel avec moi. Oui, bonjour Brigitte. Ok. Il y a Alice. Il y a Cassim qui est avec moi. Ça va la Brigitte? On est absolument pas hostile, d'accord? Moi non plus, je suis pas hostile. On est cool. Juste chose que j'ai dit, tu sais, je suis juste hostile. Non, non, mais attendez. Simplement, qui le téléphone, s'il qui vous dit, plaît. On va appeler la police. Non, stop. Là, on est avec Dorian. Pouvez-vous le rassurer, lui dire que finalement, ce n'est pas lui que vous appeliez? Voilà. Ah non, c'est pas Dorian que j'appelle. Non. Ah moi, voilà. Je juste appelle c'est un accouchement forcé. Pour se faire pardonner, Brigitte, on va vous envoyer un beau bouquet de fleurs. Oui, oui. Ah ben moi, je vais pas t'envoyer un bouquet de fleurs, moi. Je vais t'envoyer quelque chose d'autre, alors. Ah, qu'est-ce que je peux avoir comme cadeau? Ah ben, un gros cadeau. Ah, c'est quoi le cadeau? Ah, bah ça c'est la surprise. Ah dis donc, t'as pas beaucoup d'imagination, Brigitte. Hein? Ah, t'inquiète. Tu sais, l'imagination, il y en a beaucoup, toi. Tu me le mettras dans les fesses, Brigitte? Ah, j'aime bien dans les fesses. Ah, tu l'aimes bien avoir dans la bouche, hein? Oh, bah, sans façon. Ah, ouais, hein, surtout, j'ai déjà mangé. Ah, tu les aimes bien, alors, dans la bouche, là. Brigitte? Ouais. Brigitte, on te fait un gros bisou, ma Brigitte. Ouais, bah écoute, je vais dire à toi. Je vais dire un truc, mon garçon, je sais pas avec qui j'ai à parler, toi. Bah, il est toujours pas compris. Dorian, là. Ouais, oui. Pas de rien, tu discutes ah, aucun moment. Ah, bah, voilà. Merci, cool. Mais merci Brigitte. Merci beaucoup. On voulait seulement ça. Okay. On va vous envoyer un petit pack Love in Fun. Vous connaissez Fun Radio, Brigitte? Fun Radio, on ne connaît pas Fun Radio. Tu sais, on est des paysans, nous, toi. Bah, nous aussi, hein. Mais on est des paysans, tu sais. Mais t'es un paysan d'Angoulême, toi. Ah non, je suis un paysan de Bretagne, moi, Saint-Brieuc, Côte d'Armor. Ah, Bretagne, vive les Bretons. Et ils tournent en rond. Ah, c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais. C'est, non, les chapeaux. Ouais, ouais, les chapeaux. T'as raison, ouais. Les chapeaux, ouais, c'est pareil, ils tournent en rond. T'as raison, garçon. Vas-y, rigole, vas-y. Gros un peu bipolaire. Merci. Hein. Hey, écoute, ouais. Appelle les keufs, vas-y, appelle les keufs. Mais non, c'est amis. On n'est pas flics, nous. Ton copain, hein. Il m'a dit, j'appelle les keufs. Appelle okay. Les keufs, là. Bon, appelle tes amis, là. Brigitte. Hey, appelle tes amis, appelle Brigitte, tes amis. Brigitte, ta gueule, Brigitte. Elle va t'enculer, connard de mort. Oh là là, Brigitte, tu prends tout au sérieux. Tu m'enculer ou tu m'enculer, fils de pute, là. Oh, Brigitte, enfin. Arrête la gueule au téléphone. Arrête ces noms d'oiseaux. Mais Brigitte, mais viens me voir. T'inquiète de la gueule, hein. Tiens, mais pas du tout, Brigitte. Je te suis. Viens, regarde, viens à la grande place en bas, là. À la gare, là. La grande place en bas. Cette place, à côté de la boulangerie, Brigitte, ok, on se retrouve là-bas tout à l'heure. Oui, mais en plus, tu vas me sucer bien. Fais-toi belle, fais-toi bien, fais-toi jolie, Brigitte. Mets une belle jupe, une belle robe. Et pile-toi. Il a raccroché. Au revoir, Brigitte. Ah, c'est un numéro, hein. Dis donc. Oh, Dorian, tu es là? T'as plus peur, oui. Dorian? Ça va, t'as compris qu'en fait, il s'est gouré de numéros, quoi. Et maintenant, c'est à moi qui veut casser la gueule. Donc, tu vois, tout va bien. On a déplacé l'objet de. C'est bon, Dorian, t'es rassuré? Et puis, c'est un enculé, il s'appelle mon beau-père. Hein, il s'appelle Denis Masson, c'est pas un enculé, ok? Rien compris. Mais non, c'est pas grave. Il a traité son beau-père. Non, parce qu'il a insulté son beau-père. Ah, ouais, a appelé. Oui, je suis d'accord avec toi. T'as raison de défendre ton beau-père. Eh bah, bravo à toi. Salut, Dorian. Et, enfin, c'est un numéro, le monsieur Brigitte. Sur tes deux oreilles. Ah déjà, j'ai pas compris le prénom Brigitte. Hein. Je te cache pas que. Mais il s'appelle pas Brigitte, c'était pas la même voix. Je sais pas, je me pose la question, mais ça ne concerne pas lui, mais je me demande s'ils ont pas ouvert les portes d'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas. Le permis d'Alice, on va en parler dans un instant cet après-midi. Cassim était dans la voiture avec Alice. Ah, ouais. Que s'est-il passé? Vous allez le savoir dans un instant. Et on sera aussi avec Laura. Laura, ce que veulent les mecs. Laura qui veut poser une question toute simple pour vous, les mecs. Est-ce que les mecs aiment être dominés au lit? Et ça, je sais qu'il y a de plus en plus de filles qui adorent ça, dominer leur mec, avec des petits coups de menottes, ouais. Des petits coups de fouet. Ouais, quand même. Ah ouais. 01 42 48 5000. Venez nous dire, en tout cas, les filles, si vous adorez dominer au pieu. Et voici Kungs, c'est This Girl sur Fun Radio. Something that you got to know, baby. Girl sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, le permis, vous le savez, c'est les bons gestes dès le départ. Et des bons gestes, elle en a plein, Alice. Incroyable, Alice passe son permis. C'est les aventures d'Alice. On va continuer un petit peu d'en savoir un petit peu plus, parce qu'il s'est passé un événement aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il y a Kassim qui était avec moi dans la voiture. Alice a fait un cours de conduite avec Kassim. Ouais. Il y avait même notre producteur Podgel qui était à l'arrière du véhicule. Ah bah, je vais te dire, il a perdu son gel. Hein. Avec le vent qu'il y a eu là, laisse tomber. On est avec Ludo. Alors lui, c'est carrément le prof de conduite d'Alice pour débriefer un petit peu le cours. Bonsoir Ludo. Bonsoir. Alors, est-ce que le cours s'est bien passé avec Kassim et Maxime dans la voiture et surtout Alice au volant? Franchement, ouais, ça s'est bien passé. C'était une franche rigolade. Il n'y avait pas trop de bouchons, ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé. Ils t'ont pas trop déconcentré, Alice? Ça a été comment alors? Ouais, pas mal. Franchement, ça fait... En fait, on a conduit déjà hier en fait sur un cours de 2 heures. Et donc, on a mis en application aujourd'hui ce qu'on avait fait hier. Donc, notre petite Alice progresse, puisque maintenant elle a le volant et les pédales. Waouh! J'ai les pédales! Et les, genre aussi, même les essuie-glaces et tout, hein, ça rigole pas. Ouais. Comment on doit se comporter, Ludo, au volant avec des passagers dans la voiture? Est-ce qu'il y a des éléments à vérifier? Alors, déjà, il faut faire attention à la pression de ses pneus, puisqu'en fait, ça fait la charge en plus. Ensuite, il faut faire attention à l'installation des passagers, hein, qui ne nous masquent pas la visibilité à l'arrière, qu'ils soient bien attachés. Ensuite, il faut faire attention aussi si on a des enfants, hein, que ces enfants-là soient attachés dans des éléments adaptés à leur taille, à leur poids pour la conduite. Et ensuite, faut faire attention à ce qui ne nous perturbe pas en conduite, mais sinon, en général, ça se passe bien. D'accord. Ben voilà, super cool. Donc, pour toi, Alice, ça... Elle est sur le chemin du succès. Bah, normalement, si elle garde le cap, ça devrait bien se passer. On est fiers de toi, Alice. Ah, merci. On est vraiment fiers. On souhaite d'ailleurs bon courage à tous ceux qui passent le permis de conduire. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y a moyen de gagner 1000 euros. On vous paye une partie de votre permis de conduire avec la sécurité routière. Il suffit d'aller vous inscrire sur le site de funradio.fr. Vous répondez à un petit quiz et vous gagnez tout ça. Bah, merci beaucoup d'être venu ici, Ludo. C'était cool de t'avoir. Il n'y a pas de souci. Très bien. Salut. Salut. Et bonne route. Ciao, ciao. 01 42 48 5000. On a Thomas qui nous rejoint là maintenant. Il a 15 ans de Clermont-Ferrand. Salut Thomas. Salut tout le monde. Salut Thomas. Salut, bienvenue. T'appelles pour quoi, Thomas? J'appelle pour savoir pourquoi j'arrive pas à dormir le soir. Vas-y. Bonne question. Raconte-nous là, qu'est-ce qui se passe? À partir de quelle heure tu commences à aller au lit, toi? Que minuit. Du moins, je vais pour 10h30 ou 11h des fois. Et je peux me coucher que vers minuit ou 1h du matin. Ok. Comment tu es le matin, justement? J'arrive pas à me lever. Voilà. C'est dur. Et le week-end, tu dors combien d'heures? Je dors. Je me couche vers minuit et je me lève vers 10-11h. Ok. Moi, j'ai une question, Doc. La phase du réveil. La fameuse tête dans le cul. Ah, c'est horrible. Oui, bien sûr, oui. Quand on n'a pas assez dormi, c'est compliqué, oui. Non, mais même quand on a trop dormi, enfin, je sais pas. Faut faire un peu d'exercice, boire 2 verres d'eau. Toujours mon eau, mais c'est important. Et voilà. Et puis prendre une douche, et en général, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'il faut s'étirer ou pas? Oui. Ça permet effectivement de s'oxygéner un petit peu, c'est pas mal. Oui, d'accord. Effectivement. Mais lui, il n'arrive pas à dormir. Ouais. Alors, Thomas, oui. Déjà, première chose importante. La branlette. Les écrans, et c'est prouvé, un travail qui est sorti il y a peu de temps, que j'ai lu. Les écrans empêchent la sécrétion de mélatonine. C'est ce qui est sécrété par ton cerveau et qui te donne la somnolence qui va permettre de t'endormir. Tu m'as déjà pas d'écran. Tu en mates ou pas, toi, des écrans avant de te coucher, genre ton téléphone, la tablette? Ouais, je suis toujours sur mon téléphone. Ouais. Alors déjà, faut éviter, parce que sinon tu vas pas réussir à dormir. Deuxièmement, avoir une autre activité, hein. Faire peut-être aussi... Est-ce que tu fais de l'exercice physique, du sport, non? Non, mais c'est des fois, ça m'arrive de fermer les doigts en plein milieu de la nuit. Ah oui, bien sûr, parce que avant de me coucher, je me mets automatiquement à fermer les doigts. Et là, ça t'endort pas? Non, ça m'endort pas, ça me tiens éveillé, et après ça m'endort une heure ou 2 heures après. Oui, d'accord. T'as compris. Tu as résumé. Il faut effectivement, à partir d'une certaine heure, baisser l'activité, avoir des activités qui soient quand même un peu reposantes. La lecture, c'est pas mal. Oh bah, la lecture, c'est terrible. Oui. On va te dire, tu lis 2 pages et... Ouf. Ça génère une somnolence, à peu près sûrement, en tout cas. Et voilà. Mais surtout, pas d'écran. Alors, la chose difficile à gérer pour toi, tu as 15 ans, tu as la contrainte scolaire, la journée, bon, c'est important. T'as la contrainte familiale, bon, parce qu'on peut pas y échapper, et c'est nécessaire, au moins jusqu'à 20h. Et qu'est-ce qui te reste en espace personnel? Il te reste l'après 20h. Et ça, à ton âge, je le dis pour tous ceux et toutes celles qui écoutent, d'ailleurs, il y a un travail qui proposait, il y a à peu près 6 mois ou 1 an, que l'école commence à 9h, justement. Voilà, pour cette raison-là, entre autres. Il y a des réactions, Alice. Ouais, je suis tombée en fait sur une technique, j'avais entendu parler de ça, soi-disant un remède miracle. Je sais pas si tu connais, Doc, ça s'appelle le 4-7-8. Et en fait, c'est une technique qui apparemment t'aiderait à t'endormir en moins d'une minute. Mais c'est quoi ? Et c'est juste via des techniques de respiration, en fait. Oui, bien sûr, mais ben, tout ce qui entraîne la somnolence, le repos, la détente. Bien sûr que si tu arrives à te détendre, t'as beaucoup plus de chances que la somnolence. Donc, si tu arrives à concentrer ton esprit sur une chose comme ça, ça peut t'aider à déconnecter. Oui. Kassim, tu le fais, toi, le 4-7-8 ? En fait, tu inspires pendant 7 secondes, tu coupes ta respiration pendant 4 secondes, et après, tu souffles tranquillement pendant 8 secondes. Et après, tu dors. Alors, c'est sûr que... Mais ça détend, quoi. Répète. Alors, t'inspires pendant 7 secondes, par le nez, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, et après, tu souffles tranquillement pendant 8 secondes. Non, il manque une étape. Normalement, il faut expirer par la bouche tout l'air qu'on a dans notre poumon. Et ensuite, on ferme la bouche, on inspire tranquillement par le nez en comptant jusqu'à 4. Ensuite, on retient notre souffle pendant 7 secondes. Puis, on expire bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8. Alors, c'est multiplié par Pythagore après. Non, mais c'est ce que tu dis là. Ça ressemble fort à une technique de relaxation. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ils disent que c'est issu de la relaxation et du yoga. Vous êtes endormi. Micro-sieste. C'est incroyable. Putain, ça fonctionne, le truc. Voilà, Thomas, tu peux essayer ça, une technique de relaxation. Ça fait partie du lot. Ouais, et tu évites les écrans. Ouais, vas-y, Thomas. Ça serait pas à cause du stress que j'arrive pas à m'endormir. Ah, si, aussi. Le stress, justement, pour l'évacuer, l'activité physique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, bien sûr. Mais de toute façon, moi, j'ai donné le meilleur conseil. Une petite branlette. Allez hop, au dodo. C'est une activité physique très modérée. Hein. Oui, non, mais ça va. On sécrète des endorphines, Doc, quand on jouit. Ouais, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que les mecs, en général. Oh, c'est moi qui devrais être le médecin. Hein, s'endorment après l'amour. Ah, mais non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Tom, suis bien tous les conseils. Il y en a plein pour qui ça marche, hein, j'en suis sûr. Il y en a plein qui sont en train de s'astiquer, en train de nous écouter là. On les embrasse. Enfin, vous endormez pas tout de suite, seulement dans 20 minutes. Hein. Salut à toi, Thomas. Salut, au revoir. Salut. Ciao, mon poteau, et bon courage à toi. Et on sera avec Laura tout de suite, 24 ans, d'Aix-en-Provence. Ce que veulent les mecs. T'es là, Laura ? Oui, salut. Je suis là. Bonsoir, Laura. Tu nous appelles pourquoi ? Moi, je vous appelle parce que je me pose une question. J'aimerais savoir si les mecs ils préfèrent dominer les filles ou si au contraire ils préfèrent les filles soumises. Ouais. En fait. Bonne question, ça. T'es un petit peu coquine, Laura, toi. Un peu. Ouais. Eh ben, tu vas nous expliquer comment tu aimes dominer les mecs et dites-nous, les gars. Hein. Vous aimez être dominé, au contraire, vous détestez ça. Venez nous raconter, 01 42 48 5000. Réagissez, en plus, on va vous offrir des sextoys de la marque Lelo. Et on revient avec Mike Posner et Took a Pill in Ibiza. Suivez-nous sur Facebook, la page Loving Fun. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Salut, c'est Bruno. Vous savez, la famille, qu'on est presque voisins ? Bah oui, si les voisins de mes voisins sont mes voisins, on est tous un peu voisins, non ? Et comme le 27 mai, c'était la fête des voisins, on va fêter ça ! Alors si vous avez besoin d'un coup de pouce pour bricoler, jardiner, organiser une soirée, partir en week-end, déposez votre demande sur allovoisin.com avec le hashtag AlloBruno. Et rendez-vous tous les matins dans mon émission, je m'occuperai de vous personnellement. Allovoisin.com, c'est très utile, un voisin. Conditions sur funradio.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Ils nous font croire que la vie est belle, que rien n'est mieux qu'ici-bas. Ils voient le monde en isocèle, nous imposent leurs faux débats. J'entends parler d'un rituel, mais tout ça ne m'attend pas. Comme comme un funambule, une hirondelle, je suis sur un fil et ça me va, ça me va. Je vais faire comme si mon cœur battait en BPM bien en forte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vie, ma mascarade. Je vais me dévoiler comme convenu, comme l'ont fait tous mes camarades. Et de vos yeux impudiques, vous devrez me juger. Et pour l'amour de la musique, je devrais tout sacrifier. Ma famille, ma vie, qui je suis, tout ça on s'en fout. Du moment que le son tourne, moi j'ai tué ma jeunesse, je suis la victime et le coupable. Des gosses qui pleurent, des gars qui t'envient, des propositions de femmes cougars. Et le boss qui veut absolument que tu viennes boire un verre au comptoir. Et mon foi dans tout ça, et ma foi dans tout ça, ma foi de Ngouza. Mais je suis marié, c'est couscous ça, oh, ça me va. Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les mecs. Ce que veulent les mecs. Dans Loving Fun. Ce que veulent les mecs. C'est vrai que souvent on a ce que veulent les filles. Bah là c'est une fille qui va poser une question à tous les mecs qui écoutent Loving Fun ce soir. Ils sont nombreux. Hein. N'hésitez pas à nous appeler. En plus on va vous offrir des sextoys pour hommes. Ça ressemble à quoi d'ailleurs le sextoy Alice pour hommes? Bah c'est une sorte d'anneau vibrant mais version un peu plus élaboré. Ouais, c'est vachement plus élaboré que le petit anneau vibrant qu'on voit habituellement. C'est limite presque masturbateur vibrant. Enfin, c'est attention du plaisir. On a homme et femme. Du plaisir à l'état pur. On en donnera un au doc, bien sûr. Tu nous diras ce que tu en as pensé. Non, je suis très nature, moi. Ah oui. Écolo. Pêche naturelle. L'écolo du sexe. Bien sûr. Laura est avec nous, 24 ans d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Salut. Alors c'est quoi la question en fait que tu veux poser à tous les mecs là ce soir? Eh bien moi je voudrais savoir si les mecs ils préfèrent dominer les filles au lit ou si au contraire ils préfèrent les filles soumises. Ah, d'accord. Et toi tu préfères quoi? Mais, disons que moi jusqu'à présent, enfin moi je suis avec quelqu'un depuis quelques mois et jusqu'à présent il m'a toujours donné l'habitude de me dominer en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour te dominer? Et ben du coup en gros c'est il m'attache et il me cache les yeux et puis il s'occupe de moi en gros c'est ça. Ah, il fait à chaque fois? Pas enfin à chaque fois il m'attache pas et tout mais voilà il me tient les poignets en gros c'est lui qui c'est lui qui me guide dans les mouvements en fait c'est lui qui enfin je vais pas rentrer dans les détails mais ça a l'air très sympathique. Voilà. Mais ça visiblement ça te plaît moyen. Mais disons que je me rends compte que j'aimerais bien être le... Enfin, j'aimerais bien faire le contraire. J'aimerais bien, moi... Mais c'est possible, ça, de... Si je veux l'attacher, si je veux lui bander les yeux, j'aimerais bien que ça soit la situation inverse, quoi, des fois. Tu lui as demandé? Et non, je n'ai pas demandé. Et c'est pour ça que je voudrais quand même savoir si, en général, les hommes, ils préfèrent... Bah, c'est surtout à ton homme qu'il faut demander ça. Tu sais, s'il t'aime... Il peut accepter des jeux sexuels différents, j'espère, pour parce lui, en que tout cas. Jusqu'à présent, je sais que ben, c'est lui qui dominait, alors je me dis que c'est un jeu C'est quand même une domination assez forte. Et je sais pas, visiblement, il t'a pas demandé le contraire, donc je ne suis pas sûr, mais... Si tu ne lui poses pas la question, on peut poser la question au garçon, bien ouais, évidemment. Ouais, bah on en a plein, mais il y a quand même la fellation, la petite pipe. C'est quand même ah oui, une... mais oui. Mais bah ça, tu domines ton mec, là, quand tu lui fais ah une... Ah oui. Il est passif, le mec, dans ces cas-là. Ah bah ouais, là, c'est toi qui gères. Hein. Si, bah voilà, tu peux tout faire. Nicolas est avec nous. Bonsoir, Nicolas. Salut, Nicolas, oui. Salut, Nicolas. T'es à Nantes, toi, hein. Ouais, moi, je suis à Nantes. Bah, moi, je voudrais bien me faire dominer. Vu que j'ai jamais essayé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, hein. Ah oui, non, mais c'est pas ça la question, en fait. Il pensait carrément en balai, là. Non. Bah oui, non, mais on va pas... Elle a un mec, Laura, enfin, Nicolas. Non, je sais qu'elle a un mec, mais je sais pas, moi s'il y a une fille, je sais pas, dans la rue qui me dit, tiens, je vais te dominer. Ça n'existe pas. Pourquoi pas? T'as déjà vu une meuf dans la rue? Tu vois, celui, je peux te dominer? Non. Non, ça non, mais en général, si, mais elles font payer. Ouais, c'est ça. Ça peut te revenir très cher. Nicolas, dans tes relations sexuelles, t'as déjà été dominé ou pas? Non, franchement, non, c'est plutôt moi, voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu domines une fille, alors? Tu lui fais quoi? Qu'est-ce que je faisais? Parce que là, ça fait un petit moment que j'ai rien fait, toi. On avait compris. On sent que tu es, oui. On avait compris, le mec est en chien, il n'en peut plus. Hein. Bon, je suis pas en chien, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis en manque de sexe, voilà. Bah, souviens-toi, quand on faisait du sexe, comment ça se passait? C'était des plans cul, quoi. Tu vois, c'était on fait ça pendant une heure et puis après voilà quoi, basta. Mais il y avait quoi? Il y avait une petite fessée, il y avait peut-être parfois aussi des mots un petit peu. La fille, non, pas trop. Moi je sais que des fois j'aimais bien lui dire ouais, deux, trois petits mots, mais. Quel genre? Bah tu disais quoi? Bon, qu'est-ce que je disais, je sais pas. Tu la sens. Ouais, des trucs comme ça, c'est sûr. Tu aimes ça? Ouais, des trucs comme ça, voilà. D'accord. Et après? Bah, salope. Mais bon. Non, moi j'ai jamais fait ça. Attends, tu vas me faire passer encore. Moi j'arrive pas. Ça sortait tellement du cœur. Alors tu vois, moi c'est vraiment un truc que j'arrive pas à faire. Quoi. J'ai l'impression de manquer de respect à la personne. Quoi. Oui, et puis c'est pas. Voilà, mais bon. Puis je sais pas, je pense que si je dis un truc comme ça, je sens que je vais me marrer derrière. C'est pas naturel, quoi. Mais il y en a qui se lâchent. Moi c'était juste pour la baise. Alors toi, après le reste. Mais dis-moi, t'as envie de tomber amoureux là? Dis-moi. Oui. Bah, tu veux simplement. À chaque fois, on me demande si j'ai une copine. Bah, bien sûr, j'ai une copine, mais après, l'amour, je sais pas. Ah. Bon, Nicolas cherche l'amour, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Hein. Pierrick de Clermont-Ferrand est avec nous. T'es là, Pierrick? Salut, Pierrick. Salut, toute l'équipe. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Pierrick. Avant que tu nous dises si tu aimes te faire dominer ou au contraire, toi, dominer la situation. On a des petites réactions sur les réseaux sociaux, sur le Facebook et sur le Twitter, hashtag LoveInFun. Une réaction de Karl qui dit « Moi, je préfère une fille qui domine, c'est mieux, on s'ennuie moins. » Amaury qui dit « Sans dire qu'elle domine vraiment, mais au moins qu'elle nous guide vers ses envies et ses désirs. » Et Héro qui dit « Certains diront, la femme domine, l'homme s'incline, mais 50-50, c'est très bien pour moi. » C'est beau. Et ouais. Oui, c'est vrai que dans un couple, il faut de l'harmonie. Alors, Pierrick, tu domines, toi, hein? Moi, ouais, je suis plutôt à dominer, mais je pense que c'est important de la laisser dominer de temps en temps. Parce que je suis tombé, bon, la plupart du temps, sur des femmes qui aiment être dominées. Mm-hmm. Mais quand je leur proposais, voilà, bah écoute, prends un peu le dessus, montre-moi un peu, bah lâche-moi, quoi, bordel. ça veut dire quoi? Dit comme ça, elle a dû comprendre. Ouais, tu t'attendais à quoi, en fait, quand tu te dis, vas-y, lâche-toi, qu'elle monte sur toi? Non, pas forcément, même carrément à devenir, enfin avoir du vocabulaire un peu vulgaire, à me demander de les prendre plus fort, etc. Voilà tout ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, Karel, les gens généralement ont trop de respect pour la personne qu'ils ont en face, j'ai l'impression que ça a manqué de respect que de dire des choses. Et en fait, du coup, on reste vachement dans la pudeur. Tu vas jusqu'où dans? Bah, moi, quand la première fois que je me suis vraiment lâché, j'étais complètement bourré, et ça a été, de toute façon, telle grosse bite, etc., tu vois, c'était avec des insultes, voilà. Quel genre d'insulte? Comment? Quel genre d'insulte? Ah bah, la traiter de salope, la traiter de pute, etc. Ouais, enfin, t'as vu, t'es obligé d'être bourré, quoi, pour te lâcher comme ça, quoi. Voilà, mais c'était la première fois. Maintenant, dis-moi juste, tu fais pas ça à ta meuf, quoi. Tu fais ça à une nana, peut-être, voilà. Mais comment c'était à ma meuf. Comment elle a pris les insultes? Bah, sur le coup, ça l'a un peu bloqué. sur le coup, elle m'a regardé un peu de travers et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, c'est parti tout seul, quoi. Elle m'a dit, non, mais il y a pas de souci. Ça fait bizarre, mais voilà, on va apprendre à jouer avec ça. C'est vrai que c'est excitant en même temps. Ouais, non, mais bien et sûr. Et du coup, à jeun, on y est plus progressivement et puis voilà. Il y a pas de mal à se lâcher, Doc, hein, après. Non, mais dans un couple, c'est une question d'harmonie. Il faut que les deux soient d'accord. Une entente, c'est un jeu aussi, la sexualité. Donc, dans le jeu, on peut inventer. Voilà, c'est ça. Il faut varier les plaisirs, sinon on se fait chier au bout d'un moment. Hein. La douleur physique, je suis moyen dessus, mais bon. Oui, non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore différent. Et... on est d'accord. Ça, c'est du sadomasochisme. Exact. C'est pas le même délire. Alice ? Oui ? Tu aimes dominer, toi ? Ouais, j'aime bien, mais pas tout le temps, parce que d'un autre côté, je trouve ça bien quand des fois c'est le mec qui domine, parce qu'il y a le côté un peu plus surprise, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer forcément. Mais je trouve ça assez agréable quand même de dominer en règle générale, enfin de temps en temps. Ça veut dire quoi, dominer pour toi, Alice ? Bah, tout simplement, prendre les devants, voilà. Être sur le mec ? Bah, pas forcément être sur lui, mais qu'en tout cas, ce soit moi qui décide ce qu'on fait au moment où on le fait. Et tu fermes ta gueule ! Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de... côté physique et de la position, parce que quand même les filles, quand elles dominent et qu'elles sont sur le mec, elles dirigent l'affaire, donc elles peuvent prendre plus facilement leur plaisir. Il y a ce qui se passe dans la tête et ce qui réveille les fantasmes. Cassine, pour finir... J'adore domino. J'aime bien le domino. J'adore le domino. Non, j'adore dominer et j'adore me lâcher une fois. Je me suis même trop lâché, quoi. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est un bruit de caca ou un bruit de sperme? Non, c'est un bruit de gros caca. Ah, d'accord. C'est un bruit de mauvaise digestion. C'est un bruit qu'on n'aurait pas voulu entendre. Oui, c'est on te remercie pour cette fantaisie, Kassim. Merci. Et on remercie surtout Pierrick et Nicolas qui vont repartir avec un magnifique anneau vibrant, sexy, de la marque Lelo. On vous embrasse fort, les mecs, Nicolas et Pierrick. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Amusez-vous bien. Et Laura, on te fait des gros bisous aussi. On va t'envoyer ton sextoy, ma chérie, d'accord? Merci. Salut Laura, ciao. Et Laurine, salut. Laurine nous rejoint. Bonsoir Laurine. Bonsoir tout le monde. Salut Laurine. Avec une petite technique dans un instant, t'as 20 ans, t'es à Lille. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, je voudrais savoir comment on pourrait remonter la poitrine naturellement. Ok, comment remonter sa poitrine naturellement? Bien sûr, pas de problème. On vous explique dans un instant après Mike Posner sur Fun Radio. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. I know are sad souls. passion. Mike Posner sur Fun Radio. Loving Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Et avec Laurine sur Fun Radio dans Loving Fun, elle a 20 ans de Lille. T'es là, Laurine? Oui, salut. C'est là, salut, Laurine. Laurine, avant la fin de l'émission, la petite technique concernant quoi exactement? Bah en fait, voilà, j'ai 20 ans et je suis un peu complexée devant poitrine parce que j'ai une forte poitrine et elle tombe en fait. D'accord. Et j'aurais voulu savoir comment on fait pour la remonter. D'accord, c'est important, c'est muscler. Se muscler le dos et surtout les pectoraux. Et puis bien sûr, mettre un bon soutien-gorge. Car quand on a une très forte poitrine, pour pas qu'elle s'abîme, il faut la soutenir. C'est important. D'accord. Voilà. Et donc, tu muscles tes pectoraux. Si tu es bien droite et que tes pectoraux sont bien musclés, ta poitrine tiendra mieux. Ah ouais, donc il faut faire un petit peu de musculation en fait. Oui, exact. Pas des seins, mais de ce qu'il y a en dessous. Et le truc, là, j'avais vu une pub à la télé où genre, fallait prendre un truc dans sa main, genre une pomme, et fallait serrer... À sa muscle. Ah, c'est ça, en fait. Oui, si tu fais ça, c'est... Oui, voilà, tu vas faire travailler ces muscles-là. Les muscles au niveau de la... sur les pectoraux, oui. Tu entretiens, toi aussi, Alice, ta poitrine? Je me rappelle, quand j'avais genre 12 ans, ma mère, elle me disait toujours qu'il fallait justement se muscler en mettant les deux mains les unes contre l'autre et faire des pressions comme ça. Et j'avais tellement peur, quand j'étais gamine, d'avoir les seins qui tombent que je faisais ça tout le temps. Et pendant un an, j'avais les seins tout durs. Et après, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et d'autre part, le dos droit, ça sert. L'eau froide aussi. Ça, c'est vachement bon, l'eau froide pour raffermir la peau, les choses comme ça. Cécile aussi, qui a une très très forte poitrine, c'est vrai. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Karel. Bien sûr, très belle. Cécile, comment tu entretiens tout ce beau matériel? Déjà aussi, tu sais, il y a les exercices où en fait, c'est une sorte de grosse pince, un truc comme ça, et que tu serres comme ça. Ou alors, tu peux simplement tenir tes mains devant toi et serrer, il faut faire serrer tes pecs. On vient de le dire. Oui, et puis sinon tu peux faire comme moi et tu te fais opérer. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai, Laurine, il y a l'opération aussi. Si est-ce que tu fais du combien, Laurine? Moi, je fais du 95D, voire E. Donc tu souhaites réduire ta poitrine ou pas? Non, je ne souhaite pas la réduire parce que mon copain aime bien les fortes poitrines. Et je sais qu'une opération, ça coûte quand même assez cher. Non, du tout. La réduction mammaire est remboursée par la Sécu. Ouais, quand t'as une très très forte poitrine, mettre on te des rembourse. Seins, c'est pour ta pomme. Ouais, exactement. Des faux seins, mais la réduire, non. Ouais, parce que c'est un problème de santé. Moi, je veux pas la réduire, je veux juste la remonter en fait. Vas-y, voilà. Ah, Cécile veut dire un truc. Déjà, en fait, t'es pas obligé d'en enlever beaucoup. Si tu veux, tu peux demander à enlever juste une taille, par exemple. Et quand on t'enlève de la poitrine, il te la remonte forcément. Et ça a un effet très naturel. Enfin, il n'y a rien, il ne te rajoute rien. Donc, de toute façon, c'est naturel et c'est remonté, en fait. Moi, j'ai envie de poser la question à Ryan. Qu'est-ce que tu as décidé, toi? Si tu veux te faire opérer, Ryan... Non, moi, je vais m'en faire rajouter encore. Comme ça, je vais pouvoir pécho, enfin. Bravo, tu es très belle, Ryan, ce soir. Tu pourras toucher. Oh, merci. Laurine, j'espère qu'on t'a aidé, qu'on t'a filé des petits conseils. Du coup, je vais me mettre au sport, du coup. Oui, certainement. Grave, mais c'est le meilleur moyen en tout cas pour que ça tienne naturel, mieux. Écolo, tout ce qu'on veut. Exactement, on te fait des gros bisous, Laurine. Salut. Bon, je vous remercie. Tu nous enverras la photo avant, après? Oui, pas de souci. Super, quelle belle soirée on a passé encore. Gros bisous, Laurine. Merci, bisous. Ciao, ciao, et merci à vous tous pour cette soirée et pour cette semaine là. C'était vraiment cool. Ouais, on vous retrouve dimanche soir en direct. Tous les dimanches soirs, on est là, bien sûr, en direct sur Fun Radio. On sera là de 20h à 22h et toute la semaine prochaine en direct avec vous chaque soir. Comme d'habitude. On va retrouver les filles. Marion et Anso, c'est le Night Show. Salut les filles. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi, Doc? Parfait. Et toi, Karel? Moi, ça va super. Vous savez que Doc, ce soir, va... Oh, ils sont chauds. Ah, avec Catherine. Ah, parce que tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire. Il a mangé un petit gâteau et tout. Il a dit, oh, j'ai besoin d'énergie pour ce soir, après l'émission. Hey, et il a même fait un petit pas de danse. Hey, attendez, mais c'est pour faire l'amour avec Catherine, c'est ça? Ah, Katoche. Katuchette. Ah, j'ai dit, et pour que... Moi, j'ai juste vous dire un truc. Pour que Doc soit si heureux, ça faisait un bail qu'il avait paniqué. Ça, à mon avis, c'est sûr. Je suis quelqu'un de sérieux, sans avoir l'air. Il y a un anniversaire dans votre équipe. Ah oui, c'est Maxime. Le Maxou, on t'embrasse. Bon anniversaire. Merci, j'ai des restes de gâteau si vous voulez. Ah oui. Eh ben, venez, c'est cadeau, c'est gratuit. Salut les filles. Et bonne soirée, Doc. Merci. Oui, merci. Salut, Doc. Ciao, ciao tout le monde. Night Show Institute vous présente ses programmes d'apprentissage de langues étrangères. Découvrez le programme Japan Institute. Nos professionnels de la langue nippone vous donneront les conseils est nécessaire pour partir à Tokyo. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans les Naito. Des envies de rêve américain, de fast-food et de country. C'est possible avec l'English Institute. Now that I found you, c'est comme ça qu'on dit, les gars? Wow, c'est ça. Bravo. My English is the better of the world. Le soleil est votre deuxième passion après la paella? C'est aussi possible avec l'Espagnol Instituto. Les téléphones sonas. Vous avez dû faire une mauvaise manœuvre. Une mauvaise manœuvre. Au revoir. Au revoir. N'oublions pas l'essentiel. Même le français est enseigné avec le programme Françouze Institut. Nous sommes des fidèles représentateurs de l'Ouest de la France. Maintenant. Représentateurs. Représentants. Avec le Nitro Institute, apprenez toutes les langues que vous aimez. Cours gratuit du dimanche au jeudi de 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Woohoo! C'est Marion et Anso. Yeah! On est jeudi soir, dernier jour de la semaine pour nous. On est bien contentes parce que la semaine s'arrête pas, puisque demain, hop, direction le Nord avec toute l'équipe pour faire la fête pour le Fun Radio Live. Et en plus, on part comme des businessmen, comme des Maria Carré. On prend un car et hop, on trace la route. Ça va être énorme avec une partie de la famille Fun Radio. On est nombreux, on est une trentaine à partir. J'espère vous voir nombreux là-bas dans le Nord. Je veux du Marion et Anso, du Vive le Night Show, du Vive la France. Voilà. En tout cas, bienvenue si vous nous découvrez ce soir. Nous sommes comme une petite bande de potes. Ouais. On est 5-6 comme ça, on s'éclate, on kiffe avec vous, on fait de la radio ensemble. Si vous avez des soucis, vous nous appelez. Si vous avez envie de parler des cours, vous nous appelez. Si vous avez envie de gagner des cadeaux, vous nous appelez. Si vous avez envie de draguer Anso, la belle blonde, vous l'appelez. Ça merci, va Anso? Ouais. Écoute, ça va très bien. J'ai fait une gigantesque découverte aujourd'hui que j'avais jamais vue. Vous savez, quand je fais de l'hypoglycémie, je me resucre avec des compotes, des pompotes. Parce que tu es diabétique. Voilà, exactement, parce que je suis diabétique. Et du coup, j'ai découvert que sous les petites gourdes des pompotes, il y avait des petites devinettes. Oui, c'est vrai. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Mais alors, est-ce que c'est du niveau carambar ou c'est mieux? Bah, je vais te la faire si tu veux, je l'ai apprise par cœur. Vas-y. Quel est le super-héros le plus gentil? Gentleman? Gentleman. D'accord. Gentleman. Wow, ouais, c'est du niveau carambar, quoi. Voilà. Donc si vous pouviez bosser un peu là-dessus chez Pompotes. Ouais. Ce serait sympa, quoi. Mais c'est marrant parce que moi j'avais jamais remarqué et pourtant je suis une grande consommatrice. Et ben moi je regardais ça tout à l'heure en réunion, la preuve que je suivais bien cette réunion. Et donc comme vous pouvez le constater, on aborde des sujets dans le night show. On lance des pavés dans la mare. Hein. Bon, en tout cas ce soir dans l'émission, c'est Ludovic, le youtubeur qui sera notre invité. Il va fêter son million de fans sur Facebook. Ce sera à l'Olympia mercredi 6 juin prochain là à l'Olympia. Ça va être énorme avec Fun Radio. Et puis ce soir, attention. Ah oui, nous allons vous envoyer à l'Electro Beach Music Festival. Ce sera les 14, 15 et 16 juillet à Port-Barcarès. Alors pour gagner, c'est simple. Vous nous appelez au 3228 dès que vous entendez le double fun. Le double fun, c'est quoi? Martin Garrix. Enchaîné avec mon Dadou, mon David, mon David Guetta. Ah. Dès que vous les entendez, 3228 et on vous envoie là-bas à Port-Barcarès avec le pass 3 jours, transport, hébergement, la totale. C'est beau, énorme, ça, c'est l'un des plus gros line-up que j'ai jamais vu sur scène. Il y aura Guetta, Garrix, Tiesto, Axel Ingrosso, DJ Snake, enfin la totale, quoi. Moi je fais tout pour y aller aussi, je vais peut-être appeler le 3228, je sais pas. Rapport au fait qu'on connaisse ta voix, ça va être compliqué. Énorme nouveauté aussi ce soir niveau son dans le night show, puisqu'on va vous passer le tout nouveau DJ Snake. Alors... Vous l'avez entendu toute la journée sur Fun, on l'a passé toutes les heures parce que nous les bombes, on est comme ça, on les passe toutes les heures, on kiffe, quoi. Ouais, puis je trouve qu'il y a un truc particulier qui se passe entre DJ Snake et Fun Radio. C'est vrai, il a envoyé des MP à pas mal d'animateurs, peut-être que nous aussi on va en avoir un. Et vous savez quoi? Et les gars, tweetez DJ Snake à fond. Ouais. Vas-y. Et dites-lui d'appeler le standard là au 01 48 5000. Eh vas-y, viens DJ Snake. Appelle-nous DJ Snake. Viens parler de ton titre, comment ça s'est passé, avec qui t'as collaboré, tout ça. Est-ce que c'est le titre de la maturité, Snake? C'est la question qu'on te pose dans le night show. Je vais le tweeter direct. D'accord, avec cette question, ce sera très bien. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Comment ça va les filles? Très bien. Ça va et toi? C'est la Champions League. Eh ben, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Comment ça va? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Oui, oui, mais on était avec toi globalement toute la journée. Ah, hein, tu sais, c'est vrai. Tu nous remets? Je vous remets les filles, faut que je vous fasse découvrir quelque... Oui Marion, tu veux me dire? Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie, j'ai pas du tout envie de t'interrompre. J'enchaîne, j'ai envie de vous faire découvrir un truc. Est-ce que vous vous souvenez de l'application qui s'appelle Dub Smash? Oui, bien sûr. On faisait de la doublure et tout ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des répliques de films qui passaient, tu les doublais en faisant croire que c'était toi. Exactement. Ah, oui. Bon, en fait, tu faisais de la voix off. Ouais, c'est ça. Du doublage, quoi. Et ben là, il y a une nouvelle application qui pourrait remplacer. Elle s'appelle Flippy. F-L-I-2-P-Y. Ouais. Et en fait, en gros, il y a des clips. Et avec ton iPhone, tu montres ta tête et tu remplaces l'acteur principal dans le clip. Ah, c'est génial. Avec ta tête. Ah, j'adore. Mais genre, c'est bien incrusté ou ça fait faux? Franchement, c'est super bien incrusté. Et du coup, j'ai une petite idée qui m'est venue dans la tête. Et je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un petit Flippy tout à l'heure? D'accord. On fait ça. Avec plaisir. Et si vous aussi, vous voulez le faire chez vous, bah, envoyez-nous les petites vidéos, on les retweetera. Mais il a des idées de malade, hein, ce homme. Eh, ça bosse, ça mouline. Hein. Ça charbonne. Hein. Mano, bonsoir. Bonsoir, les filles. Il va bien? Ouais, ça va. Une petite question, il y aura un petit micro dans le car demain pour chanter un petit peu, pour s'annoncer. Ouais. Ah, mais attends, sûr. Et moi j'ai prévu du chauffeur. Si t'es champion, appuie. Je pense qu'on va surtout dormir demain. Il y a moyen qu'on dorme demain dans le bus. Mais bon, si t'as 2-3 animations, n'hésite pas, Mano. Tu sais quoi, on va le lancer demain dans le car. On va dire Mano a préparé des animations. Ouais, grave. Et on va tout filmer et on live tweetera en direct. Et on fera des snaps sur le snap Marion et Enzo. Mais bien sûr. Exactement. Bonsoir Enzo au standard. Bonsoir les filles. Alors il vient avec nous demain celui-là aussi. J'ai hâte, ça fait plaisir. Pour une fois, vous pensez à moi, je peux venir avec vous. Et Enzo, il est marrant. Parce qu'il assume le pépère, mais que dans le cadre de l'émission. Il a dit, les filles, si je monte sur scène, je fais pas le pépère, j'assume pas. Bah mec, si. Non mais je sais pas si moi j'assume de faire pépère sur scène. Ok, on va faire un hashtag sur Twitter. Pépère ou pas de pépère. Bah mec, tu lui donnes beaucoup trop d'importance là par contre. On verra ça. En tout cas, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Bah vu que vous parlez de Boulogne-sur-Mer, nous avons Nicolas de 30 ans qui a gagné ses places grâce à moi, évidemment, puisque c'est moi qui offrais les places. Et du coup, oui. Je voulais faire un truc par rapport à ça ce soir. D'accord. Bonsoir Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir les filles, salut l'équipe. Ça va? Salut. Ça va bien et vous? Bah ouais, on se voit demain soir alors. Oui, pas de problème. Cool. Ça fait plaisir. Alors, tu voulais qu'on fasse quoi? Bah, je voulais savoir un peu ce que vous avez prévu demain au programme. Est-ce que ça va être une pure soirée de folie ou vous allez faire calme? Déjà, on va vous donner un peu les coulisses. C'est-à-dire qu'avec Marion, on a fait 875 boutiques pour essayer de se trouver une tenue. Ouais. On n'est pas sur quelque chose de très sophistiqué. On est sur quelque chose de simple et sexy. Voilà, c'est voilà. Ça. On va essayer d'être jolie pour vous. Et puis, on vous a prévu quand même pas mal de surprises. L'idée, c'est qu'on passe une bonne soirée, qu'on fasse la teuf et qu'on se marre un peu avec vous. Quoi. Ah, j'ai envie de te dire, avec tous les artistes qu'il y a, et en plus, vu comment ils sont cool, Ritza, Kinvey, Willy William, je pense que forcément l'ambiance sera là. Tu vas kiffer ta soirée, c'est sûr. Ah, j'espère bien, ça ferait plaisir. Et tu vas crier un peu, Nico. Hein. Ah, bah, comme d'habitude. Bon. Est-ce que tu veux un pépère sur scène? Oula. Kinvey? Voilà. J'ai dit, est-ce que tu veux un pépère sur scène qui ne veut? Bah, ça marche, Nico. Non, bah, du coup, ça répond à notre question. Non, non voilà, on oublie pour demain. On t'embrasse, Nico, à demain. À demain. Bonne soirée, bonne émission, à demain. Bisous à toi. Ciao. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on a clairement envie de vous détendre parce qu'on sait que c'est les révisions en ce moment et que c'est chaud là que vous passiez le BTS, le bac, tout ce qui est épreuve, partiel et tutti quanti. Donc, du coup,